Il s'agit du flow de cast. Ça pue sa mère. Florent Bernard. Bravo. Adrien Méniel. Bravo. Bravo. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle hein, de toute façon. Oui. Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de Floodcast. Un nouveau numéro qui fait plaisir. On enchaîne. À la manière de voiture. Comment on enchaîne comme des jours, comme des voitures. Non. C'est ça, si c'est la pas chanson. Validé, c'est pas validé. C'est quoi la chanson? Les jours passent comme les voitures. Ah oui, c'est ça, ils s'enchaînent pas du tout, non. Ils passent, ils ne font que passer. Comme à l'accoutumée, plusieurs invités autour de la table. Ma première invitée fait du stand-up et se produira au point virgule à la rentrée en septembre. Elle a un nom qui ressemble presque à celui de la brebis qu'on avait clonée. Mais, hey, j'ai une petite blague de France Inter, je vous en supplie. Mais rien à voir, parce que des comme elle, il y en a pas deux. Il s'agit de Douli, bien sûr. Merci les gars. Il y en aura plaisir. Plein des comme ça ou dans lesquels je bafouille encore plus. On j'espère que t'es prêt. On les espère, on les attend. On l'a vu jouer sur internet dans le Latte Show ou encore Good Monique. Elle ça, était dans moi, l'émission ça. Access sur C8, les séries RL3 ou encore Martin Sexe Faible. Elle a même lancé sa chaîne YouTube Air Pyro, dont la dernière vidéo date d'il y a 3 ans et s'intitule Air Pipi Bonus, ce qui selon moi est le plus beau des au revoir. Il s'agit d'Audrey Pyro. Ouais. Air pipi bonus. C'est terrible. C'est terrible. Fais un petit au revoir. C'est terrible. Non, parce qu'en même temps, quand tu dis bonjour, et bah, c'est un bonjour pour toujours. Alors, tu vois, les gens continuent à s'abonner à ma chaîne. Hein. Oui, c'est vrai. Pensez pas, un jour, je serai à 1 million, toujours en 2016 avec Air pipi bonus. Et puis là, le choc. On en reparlera. Elle sort bientôt la vidéo dans laquelle j'ai tourné ou pas? Ah ouais, bien sûr. Ça, c'est en montage en fait. D'accord, cool. Ouais, cool. Attends. Vu que j'étais pas payé, je me disais peut-être. Mais la cloche surtout. Non, je l'ai fait, t'inquiète. Réalisateur, co-animateur de Video Store chez Tales from the Click, podcaster avec la musique dans la peau, papa de Pépère sur Instagram. Ah oui, papa de Pépère. Oui. Eh oui. Et il a également travaillé sur le live. Oh oui, fait, oui. Alors j'avais presque oublié. Bah écoute, faut le dire, le live. Je sais pas si vous vous souvenez de le live. Le petit Grégory d'internet. Je l'appelle le live. Le live, tu es parti plus vite que tu n'es arrivé. Dans l'indifférence générale, on t'a laissé mourir sans poser un seul regard sur toi. Enfin si, peut-être une vingtaine de regards en moyenne selon les émissions. 11 sur la dernière. Oui. Alors oui, ça ne se fait pas de tirer sur les ambulances, mais quand l'ambulance roule à 160, n'a pas de volant et que la pédale de frein est dans le coffre, bon. Bon bref, c'est Guillaume Rouze. Oui ouais. Ben merci. Merci beaucoup. Deux références à très ouais. Peu de temps. Ouais, on a beaucoup passé de temps sur... J'en suis pas vraiment. Enfin, je veux dire, c'est pas non plus mon activité principale. Mais c'est pourtant... ton Titanic pour moi, voilà, dans tous les sens du terme. Le dernier, vous le connaissez, là où la Belgique a le Mac and Peace, Saint-Germain-en-Laye l'a lui, tout simplement. inventeur de l'expression Cool Raoul, plagié lorsque fut lancé le célèbre Alès Blaise, la chanson de tragédie Danse sexy pour moi lui est entièrement dédiée. Son prénom rime avec malin, son nom avec chevalier du fiel, c'est Adrien Méniel. Oh ouais! Wow. Bon, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation à la manière de la chanson de Louise Attaque. Voilà. Bien sûr. Merci. Oui, plein de refs. on commence comme d'habitude avec les actualités. Ah, ça j'adore. Oh, c'est nouveau. Attends, c'était. Wow. Oui, j'ai changé parce que alors j'ai été traité de péténiste par les auditeurs avec Pourquoi la dernière musique que j'avais c'était mis, quoi qui était une chanson péténiste. Vraiment. Ah d'accord. Donc finalement il y a un lien. Vous avez raison. Ouais, en fait. Ouais, on comprend. Donc c'est très simple. Oui. C'est maintenant qu'on dit qu'on chie sur les fans du Puy du Fou ou... Non, c'est plus tard. C'est plus tard. D'accord. Okay, c'est plus tard. Voilà, j'adore on est, les Puy du Fou. On est dans un. Alors, ah bah écoute, alors, c'est parfait. Très ah, bien. Non, mais très bien. On pourra pas nous accuser parce qu'on est en clash avec le Puy du Fou. Pourquoi? On vous racontera ça plus tard dans l'émission. Alors attends, il y a des gens qui clashent avec le Puy du Fou. Écoute, on est en. On s'attaque aux puissants. En fait, on n'a pas peur ici. Qu'est-ce que tu crois? Mais avant tout ça, oui, le jeu de l'actualité, le concept est très simple. On l'a volé à Laurent Le Covid 19. Non. Le confinement, ça. Le déconfinement. Non. T'as, ok. T'as non, dit bah, des mots. Non, pardon. Ouais, non, je suis un peu sûr. Partie vite, mais. Je vous pose des questions sur l'actualité. À vous de trouver la réponse, tout simplement. Des scientifiques japonais ont travaillé pour trouver... Le Covid-19, pour le vaccin du Covid-19, c'est pas ça. Pas du tout. Des scientifiques japonais ont travaillé pour trouver la formule parfaite de quelque chose qui pourrait aider les pères et les mères du monde entier À votre avis, quelle est-elle? Attends, une formule mathématique, genre? L'enfant parfait. Non, pas l'enfant parfait. Une formule pour endormir les enfants. On s'en approche, mais c'est pas exactement ça. Pour les tuer. Non, on s'éloigne. Bon, à quelle heure il faut coucher les enfants pour qu'ils soient moins chiants? Non. Un truc à rapport avec la nourriture? Non. La température de leur chambre? Non. Pour les empêcher. Oh, une musique qui les endort peut-être? Non, c'est pas vraiment s'endormir. Hein. C'est pour les aider, pour aider les parents, c'est ça? C'est pour aider les parents, ni plus ni moins. Que l'enfant ne fasse plus caca extérieurement, mais intérieurement, avec un système de dégradation du caca. Non, mais j'ai envie. C'était mais important j'ai à dire. J'ai envie de mettre des ronds. J'ai envie de mettre des ronds dans cette idée. Du babysitting, un truc comme ça, non? Non, genre, pas du babysitting. Pas du babysitting. C'est vraiment. On n'est pas si loin du câlin. Sachez-le. Ah. Attends, c'est des scientifiques. C'est des scientifiques qui ont créé une formule, c'est ça? Ouais. Très bien. Non, une odeur qui endort. Du chloroform, tout bon. Non, mais attends, c'est pas bête. Qui arrête de faire pleurer une odeur qui... Ah. Non, c'est plus... C'est, en fait, c'est, vous l'aviez plus ou moins trouvé tout à l'heure avec Sandor, mais c'est vraiment par rapport au câlin. Je vous le dis immédiatement, ils ont trouvé la façon parfaite de faire un câlin à des bébés pour les endormir. Mais ils y connaissent quoi en fait, eux? Bah justement, ils ont lancé une c'est étude. C'est des scientifiques en fait. C'est des scientifiques, ni ah, plus ni moins. Ah, ok, donc. Alors, c'est une étude américaine. Non, c'est des japonais, mais c'est la première étude en l'occurrence. C'est vrai qu'il n'y en a pas eu des masses avant. En étudiant le rythme cardiaque de l'enfant et la pression dans les mains des adultes via des capteurs, les chercheurs ont pu comparer les réactions du bébé lorsqu'ils étaient simplement tenus ou lors d'un câlin avec une pression moyenne ou encore lorsqu'ils étaient serrés fort. C'est un peu flippant. Ouais. Selon les résultats de l'étude publiée dans la revue scientifique Fell, les bébés étaient plus apaisés par un câlin à pression moyenne qu'en étant simplement tenus, alors que l'effet apaisant diminuait durant un câlin serré. Donc on n'apprend pas grand-chose. Ouais, on n'apprend rien du tout. La question, c'est, il y avait une demande pour ça, ou ils sont en roue libre, ou ils se sont dit tiens, on va bosser là-dessus, pas de projet en ce moment? Potentiellement de la thune à dépenser. Oui, c'est ça. Potentiellement de la thune à dépenser. Cela faisait des mois qu'un couple n'arrivait pas à avoir un enfant. Selon vous, quelle était la cause? Le confinement, le Covid-19. Non. Putain, il y a rien sur le... Franchement, je te le dis tout de suite, il y a rien. Bon, bah c'est déceptif. Ils étaient incompatibilité. Non, pas du tout. Non. Ce serait pas très marrant. Ouais, c'est ça. C'est la vie de plein de gens. Je suis navré pour ma réponse, mais il l'enculait. Depuis des mois. Ah, peut-être qu'il allait dans le mauvais trou, en effet. Le nombril. Alors, oui. Ce n'est pas ça. Mais parce que ça c'est bien. Arrivé déjà, je crois. Ah. Il me semble que c'est déjà arrivé ça. Et genre, franchement, bah, dans l'histoire de France. Oui, non, non, dans l'histoire de quelqu'un. On ne sait pas qui, mais. Une copine. Non. Non, c'est arrivé un très très bon ami. Bah, le mec a réussi à faire croire qu'il s'était trompé pendant des mois. Ah, mais pardon, non, je m'étais. Ah, donc c'est pour ça qu'on n'arrive pas à avoir de gosse. Ah, j'y croyais pas. Il n'éjaculait pas. Non. Ah bah c'était une question de mauvais trou ou pas du tout? Non, pas du tout une question de mauvais trou. Ça a un rapport avec le sexe ou pas tant? Ça a un rapport avec le sexe. Il avait de l'orgasme mais sans éjaculation. Non, non, non, c'est il pas ça. Il avait une chatte. Non, c'est pas ça non plus. Non, non, c'est pas ça non plus. C'est très simple. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne baisait pas. Exactement, il ne baisait pas. Ah bah oui. Parce qu'une fois, j'avais pas baisé avec une meuf et du coup, bah. Alors que moi, j'ai pas baisé avec une meuf et elle était enceinte. Donc je crois que je me suis fait avoir sur un truc. C'est une infirmière au NHS raconte que parmi les différentes expériences vécues au cours de sa carrière au Royaume-Uni, il y a celle-là hautement improbable. En effet, un couple marié qui ne parvenait pas à avoir d'enfant lui a dit écoutez, on ne comprend pas. Et donc, elle a dû leur expliquer qu'ils ne s'ils ne faisaient pas l'amour, ils ne pouvaient pas avoir d'enfant. C'est dingue. Ils pensaient vraiment qu'en se mariant, ils allaient avoir un enfant ipso facto. De la consanguinité, peut-être. Moi, j'ai envie de dire peut-être qu'ils ne devraient pas avoir d'enfant. Enfin, ça serait peut-être mieux. Oui. Wow. On ne voit pas, mais Audrey est éberluée. Alors là, j'en reviens pas. Excuse-moi, tu tombes plutôt habillée ou plutôt dénue? Plutôt dénue, hein, clairement dénue. Alors, on s'approche du Covid-19, donc je sais que ça va te plaire, Audrey. Là, on passe un bon moment. Dis-le. Quel document officiel la ville de New York a mis en place pour lutter contre le coronavirus? Attends, document? Un document officiel que la mairie de New York a mis à la disposition des New-Yorkais pour lutter contre le coronavirus. Genre, c'est un truc en rapport avec le sexe aussi, non? Un papelard, c'est oui, genre c'est un papelard. Oui, c'est ça, qu'il faut baiser avec une vitre ou un truc comme ça. Quoi? Ou privilégier les plaisirs solitaires, un truc comme ça, non? Mais non. Oui, il est dedans. Cellophane. Non, c'est pas si précis. Il est dedans, contrairement au mec d'avant. Le document d'ailleurs est régulièrement mis à jour, nous explique la ville de New York, sur comment les habitants de la ville peuvent et doivent faire l'amour. Ah bah voilà. Branlez-vous avant. Peut-être on va développer. Parce qu'une étude sortie lui-même montre que l'abstinence sexuelle peut se révéler dangereuse et avoir un impact psychologique insidieux à un moment où la population est particulièrement vulnérable aux difficultés mentales. Ils ont cogité pour trouver ça, je pense. Donc, lors d'un rapport, il est ainsi recommandé de se munir de gel hydroalcoolique, privilégier les grands espaces ouverts. C'est terrible et bien pour les muqueuses, le gel hydroalcoolique. Ah non, mais c'est pas ça qu'ils disent, je pense. Bah, il faut s'en venir. Je sais pas, non, faut non, pas le mettre pas dedans. Ou dessus. Ah, ouais. Oui, mais peu importe, à un moment, tu vois. Il y a contact, je sais pas. Écoute, en tout cas, eux, ils disent qu'il faut s'en munir. Privilégier les grands espaces, ouverts et bien ventilés. Et genre éviter... les parcs, par exemple. Ah ouais, ça marche. On part dans l'illusionnisme. C'est l'option. Et éviter de s'embrasser ou de se toucher les yeux, le nez, la bouche, sans s'être lavé les mains avant. Pour mettre un peu de piment, les autorités sanitaires suggèrent de la créativité dans les positions et des pratiques permettant un contact sexuel sans trop rapprocher les visages. Le sexe virtuel est par ailleurs présenté comme une solution sûre. La brouette ? Non, le sexe virtuel. Ah, c'est toi qui as dit oui. Mais alors, tu plaisantes, Douli, mais par exemple, ils expliquent. Bah, la levrette, déjà. Voilà, non, mais ils expliquent effectivement que même comment faire pour l'anulingus. C'est-à-dire que c'est très précis. C'est un document de la ville qui vraiment c'est dit dingue. comment. Ne mettez pas votre bouche sur le visage de l'autre. L'anus, c'est bon ? Oui, là, pas de problème. L'anus, si vous mettez du gel hydroalcoolique dedans. Non. Alors, comment gober une couille ? En quatre pages. Un cure-dent dans l'urètre. Bon, monsieur, arrête. Vous êtes trop spécifique. Non mais par contre oui, ils sont quand même très spécifiques. C'est gênant. Non mais voilà. Est-ce que vous faites encore gaffe vous, au coronavirus? Pas forcément dans le sexe, mais en tout cas est-ce que vous prenez encore vos précautions? Ouais, vous savez. Parce que moi par exemple, je me rendais compte que je nettoyais pas mes courses, alors que plein de gens nettoyaient leurs courses. Je l'ai jamais fait ça. Non, ouais, moi j'ai pas fait. Ouais. Toi t'as fait toi? Ah, ouais, bah, bon après toi tu l'as chopé en même temps, donc je m'imagine que tu faisais gaffe après. Oui, bah ça va, je chale pas. Elle met une petite musique. Non, mais une fois que tu l'as, normalement, a priori, t'es plutôt tranquille. Là, vous gardez le masque. Ouais, j'ai mis les pompes devant, à un moment donné, devant la porte. Waouh. Mais la vieille pompe, quoi. Tu vois, j'ai laissé la tongue. C'était quoi l'effort, du coup? T'as mis tes pompes devant la porte? J'ai mis les pompes devant la porte, du coup, c'est nickel, quoi. Ça n'a aucun sens en fait. Je protégeais l'appartement, chérie. Je protégeais un petit peu la zone mais de la vie. Zone habitale. Le fou, c'est que je crois qu'il n'y avait que les chaussures genre pour lesquelles c'était un peu OK. Ouais. Ils disaient surtout sauf les chaussures. Mais moi, par exemple, je garde encore le masque quand je sors, j'avoue. Oui, mais donc, ça. Bah, voilà. Non, mais il y a des types qui disent non, qui mettent plus le masque. Ah non, dehors. Moi, dehors, dans la rue, je le mets pas. Ouais. Quand tu vas dans un magasin. Quand je vais dans un truc dans le confiné. Métro. Ouais. Dans le métro. Mais je crois que c'est encore obligatoire dans le métro. J'ai bien oublié de le mettre tout à l'heure, par exemple. Mais oui, mais tu sais quoi ? Privilégiement. C'est ce qui fait aussi. Oui. Oui. T'es humain, en fait, c'est ça aussi. C'est ce qui fait que tu pardonnes. Ouais, t'as des. Ouais, c'est ça. Audrey, toi ? Oui, quoi ? Bon, ça va. Ça va, toi ? Non, les gestes barrières. Non, mais en fait, barrière, t'es encore à fond dedans. Ouais, non, si, je fais gaffe. La seule chose, c'est que j'ai pris le train et tu dois avoir ton masque. Alors, petit conseil pour les personnes qui prendront le train, privilégiez le masque en tissu parce que si tu prends le masque papier en te disant bah, « je vais le jeter après », le brûler puisque c'est sûr que il est rempli de bactéries et ben en fait j'ai eu 4 heures de frottement sur le bout de mon nez qui ne bougeait pas comme ça et en plus c'était du coup terrible parce que plus tu commences à y penser plus tu te dis faut que ça s'arrête. J'ai retiré le masque, j'avais le bout rouge, c'est bon pour tout le monde. brûler ni plus ni moins qu'un clown. Terrible. Non, donc voilà, privilégiez les masques en tissu si vous voyagez. Moi quand je marchais quand je faisais des longues balades de moins d'une heure parce que je respectais le confinement, mais quand je faisais des petites balades pour prendre l'air, ouais, moi j'avais même la goutte, hein, la bonne goutte de sueur, la bonne marque, le bon thé du nez sur le masque. Ouais. bien dégueulasse. Wow. Sachant qu'en plus il disait fallait pas le remettre quand tu mettais le masque. Non, il paraît, mais bon, c'est un peu chiant parce qu'il y a quand même une espèce... Ah, ça va. Eh, oh, les libertés, là. On n'a pas tous le même visage, quoi. Ouais. On n'est pas égaux à ce niveau. On n'est pas tous égaux. Ouais, voilà, c'est ça. Confinement toujours, assez surprenante, c'est à donner Thomas Cully Powers alors que son père était en pleine conférence Zoom. Il s'est branlé. Moins sympa. Il a tué, ouais. Exactement, il a tué son père. Thomas Cully, 32 ans, a poignardé à mort son père, Dwight Powers, 72 ans, dans la ville. Pardon, le nom ? Dwight Powers. Le mec a un nom de d'agent secret de cinéma. C'est Dwight Powers. Ouais, c'est ça. Dans la ville d'Amityville, alors. Pour les plus geeks, connu des films d'horreur, bien évidemment. Donc effectivement, c'était un meurtre en direct sur Zoom. Il était en pleine réunion et le fils est arrivé. Alors apparemment, il a fait le meurtre hors champ, mais les gens qui étaient le chat, ça réagissait peu dans le chat, très peu de subs au moment de ce meurtre. Lorsque la police est arrivée sur les lieux, le fils qui habitait avec son père a pris la fuite en sautant par la fenêtre du premier étage. Selon le procureur, il a pris du soda dans une épicerie pour essayer de nettoyer le sang sur son corps. technique du coca. Oh. Non, ça marche avec les chiottes, ouais, bah, pas avec le sang. Ça marche avec les chiottes, c'est vrai. Non, c'est vrai. Il a dû faire un truc. Qu'est-ce qui marche, le coca et les chiottes? Je savais pas ça. Pour attends, oui, c'est comme si tu mets genre un bout de un os avec un bout de viande dans du coca, il y a plus de viande au bout de quelques jours. Oui, mais qu'est-ce qu'il y a avec les chiottes? Mais dans le fond, il y a une tarte d'infos. Parce que non, si tu jettes le tarte des chiottes, il paraît que quand tu mets, c'est une légende urbaine, tu jettes un os dans les chiottes. Ouais. Ça crée les tortues ninja. Voilà, c'est ça. Tu mets du non, mais le coca, ça enlève, tu sais, l'espèce de fond là, dégueulasse, des chiottes. Ah, le calcaire. Le calcaire, voilà, c'est ça, exactement. Ou les traces. Oh, bah j'ai fait elle, ça va, doucement, calme-toi. Bon, bref, en tout cas, voilà, il a assassiné son propre père directement en zoom. Quel trouble apparu pendant le confinement continuerait chez des centaines de milliers de personnes dans ce bas monde? L'hypochondrie. Pas l'hypochondrie. C'est quelque chose qui est apparu pendant le confinement et que les gens ont beaucoup de mal à s'en mettre. Le truc de la caverne. Pardon? Comment? Ouais, ça va. De quoi s'agit-il, Audrey? Tu sais, ce truc d'être comme une petite fleur à l'intérieur de sa propre tige. Ah. C'est-à-dire? Ouais, je sais pas où non, j'allais. Non, mais en vrai, j'en ai pas entendu parler. Non, le truc de la caverne, oui, c'est en fait de s'être senti en sécurité et puis d'un seul coup de plus vouloir sortir. Ah, moi j'ai eu ça un peu moins. Ah, tu vois? Ouais. Non mais donc c'est intéressant. Agoraphobie un peu genre. Ah oui. Oui, il y a eu de ça aussi. Cocooning. Ouais. Il n'est pas utilisé à bon escient et tu en as conscience. C'est agréable quand il touche tes droits sur cocooning. Ouais. Ça fait du bien de dire cocooning. Cocooning. Ouais, c'est cocooning quoi. Cocooning. Donc non, pas du tout ça, pas du tout ça. Alors un trouble psychologique. Un peu, oui, un peu. Un trouble de l'imposteur, par exemple. Un truc où on dit non, c'est pas mon vrai métier, j'aime pas mon métier, j'ai envie de changer. Stop, ça suffit. Par exemple. Des gens qui veulent plus bosser. Non. De haïr Paris. Ses voisins. Haïr ses voisins. Trouble de l'érection. Hey. Non. Du sommeil. Je sais pas, t'as cru que t'allais blonde avec un la petit. La délation. La digestion. Non, le sommeil. C'était ça, Audrey Pierrot. Le sommeil. Bien sûr. Effectivement. Les troubles du sommeil ont beaucoup augmenté pendant le confinement, et mais pour certains, ces difficultés perdurent malgré le déconfinement. Conséquence du confinement, horloge biologique déréglée, anxiété liée au coronavirus ou à un environnement extérieur dangereux. Trois spécialistes du sommeil ont détaillé ces raisons pour 20minutes.fr. Donc il y a 50% de schlag au Médoc en plus. Ça ne cesse d'augmenter. Voilà, c'est des mauvaises habitudes adaptées pendant les deux mois d'enfermement, c'est vrai. Moi, bizarrement, je me suis bien calé pendant le confinement. Genre j'étais vraiment levé à 8h30. Oui, mais après t'avais des travaux qui te réveillaient. Ouais, c'est vrai. J'avais vraiment les pires travaux de France. Mais vous savez, c'était un peu le bordel pendant le confinement. Non, moi je suis insomniaque hein, donc du coup je suis peine perdue, vraiment. Donc de base t'étais bien. Oui oui, oulala. Non, il y a rien à faire, rien. Quand à on faire, dit oui foutu. Oui oulala en général. Ouais. C'est vrai. Toi Guillaume? Bah écoute, moi non, je me réveillais à 8h30. Et en fait, je me disais, j'ai envie de dormir, mais j'ai l'horloge biologique d'un mec qui a passé la trentaine. Et du coup, ça fait 8h30, bah c'est maintenant. Et je suis là, ah bah du coup, attends, je pense à tous mes problèmes. Et bah non, je peux pas me rendormir, très bien, bah il est 8h35, je vais me lever. Cette petite envie de mourir au réveil. Voilà. Et après, je me disais quand même, ouais, mais c'est pas mal, parce que comme aujourd'hui, j'ai rien à foutre, je peux faire une sieste. Ouais, donc je me dis, c'est pas plus mal. Mais tu faisais des siestes après ou pas? Ouais, ouais, alors moi, par contre, je suis le prince de la sieste. Oh, par exemple, je faisais une sieste à 11h, quoi, quasiment. Ah ouais, je lis un peu les news. Tu dormais, tu dormais toute la journée, de temps en temps tu te levais pour manger. T'es ivre-mort. Exactement. Ouais, c'est ça. T'es devenu colo pendant le Covid. Et voilà, quoi. T'es Kurt Cobain. T'es cette faire genre, c'est un truc stylé, un style de vie et tout. Alors là, je me faisais une petite sieste. Oui, bon, tu dégueulais, puis tu t'endormais dans tes chiottes. Quoi. J'ai pas dit où je me réveillais à 8h30, surtout. Oui, c'est ça. Et alors, Audrey, quel était ton quotidien? Parce que toi, tu te prenais. Alors, je le rappelle aux gens qui ne le savaient pas. Pendant le confinement, tu as alimenté ton compte Insta d'une photo quotidienne à ta fenêtre. Est-ce que tu peux expliquer déjà un peu ce que c'est que ce projet? Pour ceux mais qui connaissent peut-être pas. En fait, c'était pas un projet. En plus, c'est un projet sur. Enfin, on s'en est rendu compte à la fin, mais le premier jour, c'est juste que je dégoupille un peu et que je comprends que bah moi il va falloir que je lâche la rampe très vite sinon je vais tourner dingo et du coup bah déjà premier jour je m'habille, je me maquille, je sais pas ce qui m'arrive en fait alors que je me maquille jamais et que je... bon si je m'habille mais et en fait du coup je sors, mon voisin me voit, on était déjà amis à la base et il rigole, il sort son téléphone pour prendre une photo et il y a nos yeux qui se croisent comme ça et qui disent oh, est-ce que tu prendrais pas une photo? Il me regarde, il me dit avec mon vrai appareil. Il retourne chez lui, il prend une photo et en fait le lendemain j'apprends le ukulélé, je les saoule toute la journée à jouer des mal hein, clairement. Là il sort un flingue, tu dis prends plutôt ton appareil. Exactement, il prend la deuxième photo et en fait à partir de 3-4 photos on s'est dit bah on a qu'à en faire tous les jours. Et voilà. Et donc, en fait, le matin, on se levait, on se disait qu'est-ce qu'on a envie de faire aujourd'hui. Après, on construisait les petits trucs, on allait dénicher les objets. Ouais, les petits trucs, c'est vite devenu nawak, hein, quand même. Ouais, c'était mon voisin qui était très content d'avoir des trucs à construire. Donc, c'était le même voisin ou encore un autre? Non, c'est toujours le même voisin, Valentin Curté. Parce que j'ai vu justement un petit reportage sur M6, parce que la meuf est sur M6. Oui, c'est vrai, en fait. C'est le jour de mon anniversaire, M6 est venu faire un reportage sur nous pour parler de notre projet. Mais quelle vedette. On est passé au 13h45 et 19h45. Attends, wow. Et la boîte d'heure de Canal Plus. Et là, oh oui. Bah j'ai vu ça. Je me renseigne. Il m'a mouché. Ah, il t'a bien mouché. Alors là. Et non, parce que du coup, il y a tout le monde un peu qui participait dans l'immeuble, j'ai l'impression. Exactement. T'avais ma voisine du dessous, parce qu'on utilisait aussi son jardin pour avoir accès à ma fenêtre, pour monter les objets. T'avais les voisins du deuxième, du quatrième, de l'autre côté du quatrième. Enfin, tout le monde, quoi. C'était un jeu de voisins. C'est chouette, ça. Ouais, c'était trop chouette. Est-ce que tu peux dire que vous avez recréé scène de ménage en vrai? Oui. Pour moi, c'est ça. Mais en fait, nous, on habite déjà dans cet immeuble là, parce que entre nous déjà on se connaît, c'est très rare, on aime à Paris, bien, hein. On aime bien se déposer des petits cadeaux, des petits mots, des petits trucs et tout. Répète, c'est très mais ouais, mais je vais vous donner mon adresse, venez quoi. Ah, je peux détester, moi, ça peut vite m'angoisser. Alors attention, alors attention, parce que là, on se dirait, oui, mais ça peut être très envahissant rapidement. Et bah pas du tout, parce que chacun se respecte. Non, je te jure, on a nos espaces, on se voit, on peut se dire bonjour, mais je pense que sur le visage, ça se voit quand il y a pas la place. Ta gueule, vraiment. Ouais. Bon, du coup, non. Dit, le début de ton histoire, il allait quand même prendre une photo sans te demander. Non, mais parce que je suis hyper maquillée. C'est limite, c'est limite. Tu veux pas. C'est un gros creep. C'est Adrien et on ne peut plus walk. Vous pouvez pas, le voir. Ce que t'as dit, il allait prendre une photo. Nos regards se sont croisés. Ah. Non mais. Ah oui, c'est ok, d'accord. Oh là là. Non mais. Il voit tout. J'étais intraitable. Ah, j'ai tout gâché. Désolé. Ça c'est fou. C'est Adrien dans votre vie. Ça c'est Stéphane Bourgoin. Faut accepter en fait le beau, l'amour et la lumière, Adrien, dans ta vie. Non mais parce que. Ouvre la fenêtre de ton cœur, Adrien. Ouvre la fenêtre. Ça donne sur une petite cour fermée, tu sais. Oh. C'est un cul-de-sac. Ça donne sur un cimetière. Mais parce que, mais quand il y a des petites emmerdes de, parce que oui, là t'es en train de nous dire que c'est la maison du bonheur. Ouais. Est-ce que parce qu'il y a des litiges des fois quand il y a un de la musique un peu. Photo sans te demander. Non, bon, à part non, ça, non, c'est... non, pas nous. Non, je te jure, mais quand jamais. Y a de la musique à fond. Jamais. On est tous chez Valentin 4h du. Ah non, boum, arrête. Boum, allez. Boum. Non, je te jure. Non, c'est fou. Je vous promets, on fait des Stéphane grosses Bourgoin. Fêtes. Non, on fait des grosses fêtes chez Valentin. Personne te croit autour de cette table. Je sais pas pourquoi. C'est pareil. On est tous malheureux. Arrête. On est tous malheureux. Pour rien. La fenêtre de ton cœur, si tu ne l'ouvres pas. J'étais à fond dans l'histoire. J'étais là, cool et tout, ils sont là. Non. Alors là, j'ai mis la vie. Alors là, non, c'est Audrey, toi, tu seras invité. Audrey, excuse-moi, tu es heureuse au quotidien. Oui, bon, allez, je arrête, suis non, heureuse au quotidien. C'est mais friends, la quoi. Fenêtre c'est friends, de qui ton cœur. Les... C'est un Velux, je ne sais pas. Trouve le truc. Mais parce que, par exemple, quand. Parce que moi, je vais raconter un nom hors antenne, mais je le dis aux auditeurs. Moi, quand par exemple, la voisine met des gros cartons. Dans la poubelle plastique. Encore les cartons, j'en peux plus de cette histoire. Comment tu lui dirais, par exemple, si mettait ses poubelles, si elle faisait chier avec ses poubelles, tu dirais mais quoi elle pense de chier. J'ai besoin d'aide. Elle était pas parce quand qu'elle raconté, ne plie hein. pas, elle ne plie pas ne les plie cartons. Pas et en quoi cartons. Ça te dérange. Elle me bloque l'entrée. Elle me bloque l'entrée de mes cartons. Quand je jette mes canettes. Les trucs de recyclage. Dans attends, les trucs de recyclage. J'ai une voisine qui commande chez Amazon, d'accord, qui prend des très gros cartons et qui a commandé pendant tout le confinement. Elle s'est fait plaisir. Pas très sympa. Et qui mettait d'énormes cartons dans la poubelle. Oui. Moi, elle les déposait juste, tu vois. Donc en fait, elle bouchait l'entrée des poubelles. Oh là là là si là quelqu'un là. Faisait ça dans ton immeuble du alors, bonheur, alors tu sais le problème, potes, c'est que je pense qu'elle a voulu faire bien, c'est-à-dire non. ne pas encombrer avec ses cartons la poubelle en elle-même, non, qui allait ah très non, vite. C'est la poubelle, c'est elle la poubelle. Ah, c'est dans la poubelle. Pas le local. Mais en quoi ça te dérange, je comprends pas. Bah du coup, je ne peux pas mettre mes. C'est pour ça que t'es heureuse, tu comprends rien. Mais t'as qu'une poubelle jaune? Oui. Ah, c'est bah, ça. Ouais, bah, nous, c'est ça. La clé du bonheur, c'est donc deux poubelles bah, jaunes voilà. et deux ça poubelles vrai. Vertes. Moi, c'est sûr que si j'avais deux poubelles jaunes, je prendrais des photos avec mon voisin. Bah non, on c'est a pas toute ta chance. C'est ça, la poubelle jaune. Une seule poubelle jaune. On a trouvé la clé du bonheur. Non, c'est deux poubelles jaunes. Autant pour moi. Douli, d'ailleurs, moi, je me posais la question, puisque là, donc on se déconfine, on peut le dire, on est déconfiné. On est là déjà. Je sais que tu as repris la route des spectacles, puisque toi, tu joues sur scène assez régulièrement. Bah, hier, Loulou. C'était ta première hier. Ouais, on l'a ramené moins quand même. Hein. On était un peu mimolette quand bah, même. C'est la question que je me posais. C'est comment l'ambiance sur ce genre de truc? Écoute, ce qui est rassurant, c'est que tout le monde est mimolette, donc ça c'est chouette, mais c'est vrai, oui non, t'as l'impression d'avoir 12 ans et demi, hein, de jamais être monté sur scène, c'est très bizarre, oui, hein, y a 3 une mois pause. Sans, ouais, ouais. Non, et puis forcément t'es obligé de désamorcer un petit peu, bon moi j'ai des pansements sur la gueule déjà, donc j'ai obligé de désamorcer, et je me suis rasée de trop près. et du coup, ouais, ouais, t'as aussi ce truc où t'es obligé de parler un petit peu de ce qui vient de se passer, tu vois. Oui. Donc ça, c'est des vannes que tu n'as bien évidemment testées devant personne. Et que j'imagine tous les humoristes ont un peu réfléchi à ces vannes, donc ouais, t'essaies ouais, de ouais. pas bah, faire les mêmes. Oui, on essaye d'être un peu original, mais du coup, oui, tout ton début, en gros, il est neuf, quoi. Donc c'est d'autant plus flippant, quoi. Ah, oui. Mais ça s'est bien passé, les gens sont bienveillants là. Pour c'est l'instant. Bah là, ils sont trop contents de revenir. Ouais. Oui, c'est ça. Non, mais du coup, c'était très chouette. Une bonne ambiance, quoi. Tu vois, et le côté public avec des masques, tout ça, ça t'a pas. Ça, alors, c'était très bizarre parce que tout le monde n'en a pas. Et j'ai pas compris quelle est la distribution, en fait. Quel est le toi, oui, toi, non. Oh, bah si c'est comme avec le gouvernement et les masques, alors là, on n'en sait rien. Non, mais je pense que c'est les groupes. Je pense que les groupes qui viennent ensemble sont pas obligés. Ils peuvent rester à côté et ne pas avoir de masque. Enfin, mais il y avait quand même des masques. Non, ça va, toi tu les entends rire quand même, ça passe. C'est ça. Oui, mais moi je vois rien de loin. Donc du coup, ils ont intérêt à rire fort, quoi, parce que je peux pas lire la joie mais dans tes yeux. Ils, quoi. Occupent, ils occupent tous les sièges là, non, c'était en demi-jauge. Ouais. Oh là t'as joué, hier, t'as joué où? Au point virgule. Au point virgule, donc ça ouais. va en plus. C'est, ouais, c'est... ouais. Mais là, je crois qu'à partir de début juillet, là, ils vont mettre en jauge normale, quoi. Enfin, tu vois, ils vont peut-être enlever une vingtaine de personnes, quoi. Mmh. Mais. Mmh. Non, mais c'était chouette. Ça reprend ouais. petit à petit. Petit à petit. Bon, on va pas trop se faire violence non plus. Oui, parce que moi, je suis allé au cinéma hier. Donc là, quand on enregistre ce podcast, ça a réouvert hier, tout simplement. Mmh. Donc je suis allé à une des premières séances. Et il y avait quand même pas grand monde. Hein. Les gens étaient quand même ouais. pas chauds de ouf. T'avais l'air seul, oui, dans la salle. Ouais, il y avait pas grand monde. Ouais. Y avait pas tu grand n'es monde. Pas resté à la séance parce que non. je te suis sur Instagram. Donc, oh, oui. Oh, tu me follow hey, je te follow. Oh, tu l'enceinte grésillait. On est au courant. C'est vrai. Avec lui, alors lui, dès qu'il y a un carton qui est Game Almi et dès qu'il y a une qui dit, c'est foutu, hop, allez, c'est bon, hop, on rentre au bercail, allez, merci pour la journée. Avec ces réseaux sociaux, on peut plus rien raconter, vous savez déjà tout. Bah, c'est vrai. Ah, mais c'est incroyable. C'est ça aussi, il n'y a pas de réseaux sociaux dans ton immeuble. Bah si, pourquoi? Non, je sais pas, j'essayais de tenter un truc. Mais non, je te dis, nous, c'est vraiment le bonheur. Donc, Ouais, super. Bah, c'est pas dégueulé ailleurs, en fait. Et ta poubelle jaune, tu sais, on va tous t'accueillir dans un grand cercle. Mais je détesterais aller faire une fête chez ton pote, le pervers, là. La fenêtre de ton cœur est verrouillée. À Compiègne. Elle est verrouillée, mais je donne la clé à qui je choisis. Oh. Adrien le mutin. J'ai pas, c'est pas la phrase à mieux formuler. On l'a vu. C'est authentique. C'est j'ai voulu faire une vanne et je me suis dit j'ai foiré la moitié de mes phrases depuis le début du podcast. Donc j'ai rien fait. T'aurais pu. À Compiègne, comment le lycée a organisé sa rentrée concernant le nombre d'élèves autorisés? Une méthode bien particulière. Ils ont fait une mezzanine. Les chiffres pairs. Ils ont séparé les filles et les garçons. Non, ça c'est au Puy du Fou. On en reparlera. Oh, ouais, oh non. Je fais des teasings. Saloperie, en fait. J'ai vraiment très envie de connaître cette histoire sur le Puy du Fou. Oh, c'est une bien sombre histoire. Bon, bref. Alors, bah, ne dis pas la réponse. Ah non. Non. Alors, les parents qui ont voté FN et les autres. Non. C'est moitié-moitié. En fonction des notes. À Compiègne. En fonction des notes. Pas en fonction des notes. Les, est-ce que c'est. Les noms de famille par rapport aux noms de famille. La taille. Pas du tout. Est-ce que c'est pas discriminant un peu? Ce n'est pas discriminant. Ok. Bon, c'est pas bon. Tirage au sort. S'ils savent parler le ch'timi. Non. Pas du tout. Leur poids avant dit, et après le confinement. Je sais même pas où c'est Compiègne. C'est un peu discriminant. C'est en Picardie. Ah, c'est ça, ok. Ouais. Okay. Bon, bah non, rien à voir avec l'accent ch'timi, rien à voir avec le poids non plus. Pas du tout. La forêt de Compiègne, c'est hyper beau. Il y a un château là-bas. Il paraît que c'est beau. Ils ont fait des marelles. Non, pas des marelles. Ils ont fait un. C'est lié. Balle aux prisonniers. Non. Non, moi j'allais dire. Hunger Games. Non. Bon, qu'il y a une balle aux prisonniers en vénère quelque part. C'est vrai. Non, c'est lié à l'équipement. Ceux qui avaient des gommes. Non. Ouais. Allez, on va tous les faire. Un compas. Non, c'est pas ça. La tristesse, mon gars, à l'entrée de l'école. T'as ta gomme? Ouais, c'est bon. Qu'est-ce que c'est que cette sélection nulle? Non, matériel à l'équipement qu'il y a dans l'école. J'ai pas dit matériel, j'ai dit équipement. Ah, ils ont mis des classes entre chaque truc. Mais non, ça c'est la base. Non, ils ont fait une salle où il y a le prof en vrai et une salle où il y a un écran avec le. Ou le prof. Un hologramme de Mélenchon. Non, ouais. Pas du tout. Pas du tout. C'est ça, je pense. Non, c'est pas ça. Bah, on sait pas en fait. Là, comme tu nous vois, on sait. Attends, le jour où il dira je sèche, celui-là, comme je le connais, il adore les jeux. Après, tu peux dire si ça dure trop longtemps. Non, on est bien. Du matériel, c'est de la technologie? Pas du tout. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que c'est du matos sanitaire, quoi? Quelque part, oui. Les plus petits. Donc, ils avaient... Ils sont dans une bassine d'eau de Javel, du coup. Genre, on est sur un dosage de gel hydroalcoolique démesuré. Alors non, c'est ça, pas c'est ça. Comme les piscines à vagues mais avec du gel hydroalcoolique qui flotte. Ça m'a fait une sensation dans mon corps horrible. Ah ouais, moi j'ai mais t'as vu, il y a plusieurs types de. Je suis allé à la Fnac parce qu'en fait j'ai une vie qui est assez dingue. Ah, c'est folle. Et à la Fnac vraiment j'ai été très surpris, c'était vraiment de la flotte pâteuse horrible. Je pense qu'il y a de la flotte ou pâteuse. Non mais de la flotte mais qui avait un arrière-goût tu vois. Il y en a qui la sentent le chou. Ouais, faut pas le manger. C'est ça. Il y en a qui sentent le chouchen je trouve. Oui, oui, c'est vrai. T'as vu, ça sent le chouchen. Non mais là c'était comme c'était de l'eau. Mais tu sens qu'il y a un petit truc merdique dans l'eau quand même. Tu vois ce que je veux dire? Comme les mecs dans les films porno, des fois, qui ont du sperme très liquide. Ouais, oui, du fond. Ben voilà, oui. Ben voilà. Roberto Malone. Oui, non, mais c'est ça, en vrai, c'est ça. Et j'ai été très surpris parce que j'ai vraiment fait un tout petit appui, je me suis retrouvé, mais maculé. Non, mais je pense parce qu'ils doivent, vraiment, ils doivent les couper à l'eau pour en avoir plus, je pense. Je sais pas. Et bah, c'est pas sanitaire pour moi. Ça m'a dégoûté. Ouais. Ça m'a dégoûté. C'est écœurant. C'est donc, écœurant, non, je vais vous donner j'ai la réponse. La même chose, je sais exactement de quoi il parle. Je suis allée moi-même à la Fnac et j'ai fait le pchit. Et là, d'un seul coup, pfouah, et c'est du sperme, en fait, c'est ça. C'est oui, voilà, c'est un peu, il y a un peu côté sperme. Il y a un peu côté sperme. Ouais, moi, je. Au chouchène. Cela dit, le. Sperme breton. Cela dit, le caissier était à poil, c'est peut-être lié. C'est peut-être tout simplement. Alors qu'est-ce que. En fait, alors, il y a. Sanitaire. Donne-nous un indice. Les équipements. Redis, c'est. C'est à Compiègne. C'est pour faire quoi? C'est pour séparer les classes en est-ce deux qu'on est non. En rapport, non, est-ce que c'est un rapport à la rentrée? Non, c'est pas par rapport. En fait, en gros, comment le lycée a organisé sa rentrée concernant le nombre d'élèves déjà, c'est autorisés le lycée, déjà. C'est le lycée déjà. C'est un lycée, mais ça ne joue pas grand-chose oui, bah à la rentrée. Parce que maintenant, ils sont obligés de séparer les classes en deux. Genre, c'est pas ça, mais je vais vous donner une réponse. Il a été demandé à 46 élèves de revenir chaque jour et pas un de plus. Pourquoi 46? Parce que chacun aura son toilette. Il y a 46 toilettes dans le lycée. Wow. Et donc chacun... C'est trop c'était trop et là, bien. Donc tu t'es dit, ils vont trouver. Non. Là, si on leur laisse encore 2 minutes, c'est... Ah non, mais c'est 46, ils sont venus à 46. Et il y a 46 toilettes dans les lycées de Compiègne. À quel moment tu vas trouver ça? Vous m'auriez fait plaisir. Vous m'auriez fait plaisir. Ils ont appelé ça des sas de décontamination. Et donc, en gros, ils ont leur propre toilette. J'imagine une voix, tu sais, quand tu rentres dans les chiottes, ça, ce qui se passe. Bienvenue, Bruno. Ouais. Est-ce qu'il y a ton petit nom sur la porte? Voilà, mais et surtout, 46 chiottes, pas mal quand même. J'avais 4 chiottes, 4 chiottes dans mon lycée. Mais donc, non. C'est un petit, je sais pas de chiottes. 46 chiottes, mais c'est dingue quand même qu'ils aient 46 chiottes. 46 chiottes, ça me paraît quand même être c'est un gros énorme. Chiffre. C'est énorme, c'est très bien pour lui en chiottes. Alors, on sort un petit peu du domaine du Covid, puisque la question est la suivante. Deux vedettes vont faire leur entrée au musée Grévin. À votre avis, lesquelles? Alors, qui est-ce? Johnny? Non, il est déjà, je pense. Ouais. C'est de la Mbappé. Ça fait une vingtaine d'années que je suis pas allé. Lui-même était déjà à 80% en cire, donc je pense qu'il y est déjà. Il y a déjà Mbappé, non? Je crois que justement, il vient d'arriver, Mbappé. Mbappé qui. Oh, ça fait un moment, je crois. Ah ouais? Ouais, je sais plus. Donald Trump. Ah, non. Pas con. Je crois qu'il y a déjà Donald Trump. Ah ouais? Non. Ah non, il y est pas? Ah ouais, bah je vais aller le détruire. Oh! Le déboulonner. Oh! Attends, qu'est-ce Brigitte Macron. Non, pas Brigitte Macron. Macron, il y est, oui, je pense. Je pense qu'il y est. Bah, tu sais, enfin, de mémoire, parce que ça fait très longtemps que je ne suis pas allé non plus. T'avais tous les présidents, normalement. Et donc, je crois qu'il y a le dernier en date aussi. On parle de français ou pas? Il s'agit de deux Français. Stéphane Bourgoin. Ce n'est pas Stéphane Bourgoin. Même si lui a dit Georges, donc un peu bizarre. Un peu étrange. Il s'agit de deux vedettes qui ont un peu un truc à voir. Entre eux, les deux vedettes ont un truc à voir entre elles. Oui. Est-ce qu'on est sur du chant? Non, on est dans le monde du spectacle. En deux. On est dans le monde du spectacle. On est dans le monde du spectacle. C'est pas du chant, ils sont comédiens. Ils sont comédiens, mais ils sont plus connus pour la scène. Allez, je vous aide. Chevalier d'Aspalès. Non. Les chevaliers du ciel. Non, mais on est dans ces mots-là. Les frères, dans un duo là. Les frères Talogi. Non, c'est pas un duo. Les Baudins. Non. C'est pas les Dégains. Les Vamps non plus. Pas les Vamps. On n'est pas sur un duo. C'est pas un duo à proprement parler, mais on les a beaucoup vus ensemble. C'est Kian et Navo. Ah, c'est Cadet Olivier. Ce n'est pas Cadet Olivier. On les a beaucoup vus ensemble. Les inconnus. Non. Bah non, ils sont trois. Ils sont trois. Bah ça aurait pas été sympa pour moi. Ça aurait été horrible. Ça aurait été horrible. Jean-Marc Thibault et Charlie et Dino. Non, pas Charlie et Dino. Ce n'est pas un duo. Non plus Jeff et Jeff Panacloc et Jean-Marc. Parce que ça fait quelques temps qu'ils y sont. Ah ouais? Ah ouais, ils y sont. Ah ouais. Mais il y a beaucoup de gens quand même. Mais je crois que ce qui est assez horrible au musée Grévin, c'est que parfois ta statue part. Et ça, je pense que c'est un peu difficile. C'est comme les films sur Netflix. Ça veut dire que probablement Jeff Panaclock, il a pris la place de quelqu'un d'autre. Exactement. Et je crois même qu'il a pris la place de Michael Youn, je crois. Moi, quand j'y étais allé, il y avait Michael Youn. Et j'ai un ami qui est allé récemment qui m'a dit il y avait pas Michael Youn. Donc je crois qu'ils ont Il avait l'air déçu, je pense. Mais il était venu pour ça. Ouais. Et non. Mais tu là, m'avais dit qu'il y avait Michael. C'est un homme et une femme. Alors. Jack Palma et Michel Larocque. Oh. T'as 50% de la réponse. Et Muriel Robin. Ah, et Muriel Robin. Exactement. Oh. Mais justement, alors c'était ma surprise parce que j'aurais pensé qu'ils allaient partir sur Pierre Palmade et Michel Larocque. Alors est-ce que Michel Larocque a refusé? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ils vont arriver apparemment dès c'est déjà le cas. Si vous y allez, apparemment ils y sont. D'accord. Si vous passez par le musée Grévin, n'hésitez pas à y faire un petit saut. Ce qui est très bonne cher, raison d'y aller maintenant. Ouais. Qui est très cher, le musée Grévin. Moi j'ai grandi en Bourgogne, et le musée Grévin, quand t'es gamin, c'est un peu le truc ultra stylé, tu vois, tu dis ah si quand même c'est vrai, un musée quand en t'es pas petit, chiant. T'as envie, ouais. C'est comme un musée mais en pas chiant, que tu connais un peu les trucs, t'as les refs. Ouais, c'est vrai. Moi j'étais un enfant très con aussi, hein. Non. Et arrête. Un peu débile. Non. Et c'est vrai que le musée Grévin, j'avoue ne pas y être retourné depuis que j'habite à Paris. C'est pas un truc. Et ben on le fera tous ensemble. Voilà, c'est ça. On pourrait faire. On pourrait faire un floodcast en direct du musée Grévin. Moi, je suis très chaud. Devant la statue de Jeff Panaclock. Exactement. Je vous rappelle que le billet est à 25€ quand même. Oh, wow. C'est pas donné. Oh, tu sais combien ça coûte la cire? Alors non. Bah cher. Quelle célèbre star de la chanson s'est dite victime de discrimination alors qu'il a été évincé d'un projet auquel il participait depuis plusieurs années? Ah, c'est un mec qui s'est fait têche des enfoirés? Non. Ah. J'aurais pas les enfoirés. Truc caritatif. Non, mais ça, ça dégages, pareil, quoi. C'est pareil. Justement, il y a des gens dans les enfoirés qui sont là depuis très longtemps où tu te dis, bah, et vraiment, par exemple, le mec des choristes y est depuis longtemps. Bah oui, mais quel actu? Bah, il y en a beaucoup, leur seul actu, c'est les enfoirés. Ouais, c'est ça. Donc un projet qu'on connaît, nous, ou pas du tout? Ah oui, qu'on connaît. Ah, c'est un truc connu. Je dis projet, mais c'est voilà, j'ai mis des mots un peu stylés pour. C'est un groupe, quoi. Non, pas forcément. Il n'y a pas le truc, là, tu sais, de la tournée des discos des années 70. Ouais, Star 80. Non. Ouais, non. Ça aurait pu, vu la personnalité que ça touche, mais ce n'est pas ça. Ça aurait pu. Ça aurait pu. On est en tout cas. La Rousseau. De sosie. Pas la Rousseau. Pas un truc de sosie. Oh, je suis désolé. On divague, mais en même c'est temps. C'est sur projet, en fait, peut-être que tu c'est le mot projet qui vous perd. Peu, ouais. Tu parles de sosie, alors c'est une vieille histoire. C'est vrai. Donc j'hésitais à vous la faire deviner, mais en même temps, c'est une très vieille histoire qui est un peu connue, donc bon, non. Mais j'ai appris qu'il y a eu un fait divers où le sosie vocal de Johnny a poignardé à la gorge le sosie vocal de Gainsbourg. Mais non. Je vous jure, c'est un vrai mais non stéréo. C'est une très belle histoire. Et heureusement, le sosie de Gainsbourg s'en est tiré. Il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Mais j'ai trouvé ça. Mais pourquoi ils se sont bagarrés? C'est surtout qu'on n'était pas sur le même sosie. Mais non, et vocal. C'est-à-dire que l'un et l'autre ne ressemblent. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est que des sosies vocales. Donc il y avait une volonté de nuire. Tu vois, parce que la gorge, faut avoir envie. Il y a quelque part de la jalousie incontrôlée. Après, je pense que. En tout cas, c'est sur Netflix à la rentrée. Quand on poignarde, il y a souvent une volonté de nuire de toute façon. A priori, c'est un grand service, quoi. Oui, attends, ou alors. Mec, bah attends, t'as un grain de beauté, hop là. Ou alors une voisine qui ne trie pas ses déchets comme il faut. C'est fou. Donc, en non, fait, t'avais juste à jeter aussi tes déchets plutôt qu'elle. Mais ça n'a rien à voir. On blâme pas la victime déjà, premièrement. Mais ça n'a rien à voir, c'est-à-dire que moi, quand je jette mes déchets, par exemple mes cartons Amazon, je les plie. Non, elle plie. T'aurais dû lui dire. Je les plie. Ils étaient pas du tout pliés. Mais genre. Non, ils étaient posés à la va comme je les pousse. Plier quand même. Ah elle voilà. Alors là, plier. alors là, est-ce que ça mérite ton voisinage de rose, ça mérite un petit mot. Ça mérite un petit mot. Le vernis du bien-être et du bonheur qui se craquait un peu. Le vivre ensemble. En fait, c'est juste de la communication, Adrien. Non. Communiquer avec ses voisins. Ah oui, mais là, t'en demandes beaucoup. Tu prends simplement une feuille de papier, mais au lieu d'écrire un mot, tu chies dedans, tu fous feu. Et tu me mets dans son paillasson. Un petit tuto pliage. Mais j'avoue que j'ai regardé l'adresse sur le carton pour savoir bien qui évidemment. Ça concerne. Qui, ce carton. Donc revenons quand même à cette personne évincée. Alors il s'agit d'un chanteur. Voilà, je vous le dis. Un chanteur. Évincé de The Voice. Obispo. Ouais. Alors, vous êtes potes, mais c'est pas ça. Obispo. Pas Obispo. Pas Obispo. Est-ce que c'est une émission de télé? C'est une émission de télé. Il est juré avec les stars. Non. Est-ce qu'on est sur de la jeunesse ou... Ah non, non, t'as dit que c'était génération. Ouais, ouais, pas okay, de ouf sur la jeunesse. C'est une donc une émission de télé. La France a un incroyable talent. Non, mais c'est pas du tout un truc de musique. Ah non, c'est un chanteur. Ah, c'est bon, la ça, France a un incroyable talent. Pas du tout, pas du tout. Oh, la... Ça existe plus. Ah, moi, j'ai j'allais pas dire la télé chanson, depuis 15 ans. Ça existe plus. Il y a The Voice, La Nouvelle Star, ça n'existe plus. Les Enfoirés. Ce n'est peut-être pas une émission de chant. D'accord, donc c'est un projet. Fort Boyard. C'est un chanteur. Oh, un Francis Lalanne. Exactement. Oh, putain. Avant, c'était genre nous deux. Là, c'est nous deux. Il y a des trucs qui se font. Francis Lalanne est excédé. Eh oui. Il a été écarté de la nouvelle saison et parle de discrimination. Alors, politique. Mais à cause de son engagement politique. Alors, non. Mais ce n'est pas lié à son engagement politique. Ah, pour je lui, retire mon haut d'admiration. C'était non, mais t'as d'autres infos, visiblement, Audrey. Non, Francis Lalanne, qui incarne Narcisse Lalanne depuis 2016, n'a pas été convié en raison de son âge et de l'épidémie de Covid-19. Trop âgé, ont décidé les assurances. Ah, il a quel âge? Ouais, il est pas... Francis Lalanne, la faute aux assurances. Elle refuse de prendre en charge le risque lié au Covid. Et par conséquent, comme j'ai 61 ans, je n'étais pas le bienvenu. Et passe-temps, il y a ça quel va, âge? 61 ans. Ouais. Je n'exclus pas de la me boule. Passe-temps, il y a quel âge? Le père Fouras. Alors? La boule. La boule est décédée. Il est mort. Merde. Attends, la boule. Mais j'ai pas. Ah merde. Tu rigoles ou quoi? Merde, oui, mais j'ai pas la télé. Mais je n'ai pas la télé depuis 15 ans, chérie. S'il vous plaît. Par contre, j'ai une question du coup pour méga gaffe. Non, une petite. Une minute de silence pour la boule. T'étais un méga stalker d'ailleurs. D'où l'idée ça. Ah oui, harceler des meufs et tout. Bah, il prenait en photo Audrey d'ailleurs. Ouais, c'était lui. Bah, il a une petite pensée à la boule. Une petite pensée à la boule. C'est pas si étonnant. Tu savais pas qu'il était mort? Non, putain, je crois que je vais quitter ce podcast. Ah, tu partiras avec une sacrée info. Il fallait respirer un coup. Donc non, Francis dit que comme il a 61 ans, il n'est pas le bienvenu. Et Francis n'exclut pas de se retourner juridiquement contre les assurances. Bah c'est normal. Car pour lui, ça n'a qu'un seul mot. La discrimination. Oui, mais alors, quid de méga gaffe Vincent Lagaffe. Vincent Lagaffe. Bah, il a 50 piges, lui, non? Non, non, non. Non, Vincent Lagaffe, bah, quel âge il a? Non. Vincent Lagaffe. Ah, mais lui, il est à distance avec son. Comme il est sur son tout qui vole, il est à distance. Oui, mais comme l'avancent les confrères de Téléloisirs, Vincent Lagaffe ne devrait pas apparaître non plus dans la nouvelle salve de Fort Boyard. Oh oui. Il n'est pas précisé, en revanche, si ce sont les assurances qui empêchent l'ex-animateur de 60 ans de reprendre son costume de méga gaffe. Mais Ramucho, qu'est-ce qu'on en fait, Ramucho? Personne n'en parle. C'est que c'était moi Ramucho à la base. Hein, je me suis reconverti. Big Deal est mort du Covid d'ailleurs. En revanche, il y a un nouvel arrivant. Oui. Ah, elle sait. Ah, dis pas. Tu peux. Si, bah il y a un nouvel arrivant. J'ai vu. Au sein de Fort Boyard. Alors pas vraiment au sein de Fort Boyard. Stevie Duloft. Non, presque. Pas loin. Franchement. Michal. Non. Non, je pense pas que tu trouveras. C'est un animateur de la chaîne. Non, mais si, on de France 2. Ah bon, oui. France 2, oui. Ou c'est 3. Denis Brognard. Ah non, c'est pas la même chaîne. Non, je vois très bien. C'est France 3 et c'est le mec qui présente Slam. Oui. Exactement, c'est Cyril Ferraud. Ah, je n'aurais jamais trouvé. Avec un tout nouveau personnage intitulé Cyril Gosbeau. Voilà. Qui est excellent. Ah, je l'ai vu, putain. Oh, putain. Il viendra déguisé en Ken de et Ken et Barbie. Ils ont fait un jeu de mots avec son émission, il s'appelle Slime. Ouais. Du coup. Oui, parce que je crois qu'il y a plein de slime. Et slime. Ah, pas ouais. Smain. Smain, rien à voir. Non, je crois que c'est avec de la slime, tu sais, comme les trucs Nickelodeon. Oui, là, oui. D'accord. Donc voilà, alors il y a une image que moi j'aime bien, que je vous invite à googliser, donc de Cyril avec Olivier. Olivier Mine, bien sûr, donc il est dans un petit carton de Ken. Attends, c'est Olivier Mine, attends, ça fait 15 ans que j'ai pas vu. Il est là. T'étais pas au courant qu'il était très musclé maintenant? Mais putain, mais pas du tout, j'ai pas la télé. Je regarde Columbo et c'est tout, moi. Tu sais, je ne suis pas au courant. Des tu regardes choses. TV Brest, du coup? C'est sur TV Brest, Columbo. Non, j'ai pas la télé. Non, ah non, tu regardes. T'as les DVD. Oui, d'accord, ok. Autant pour moi. Donc, ouais, Cyril Ferraud arrive, Vincent Lagaffe part, et donc Francis Lalanne va attaquer en justice France Télévisions. C'est un gros merdier, la Fort Boyard. Tu as fait Fort Boyard, André Pion? Oui, l'an dernier. Est-ce que ce serait pas une des meilleures expériences de ta vie? Si, complètement. Quel souvenir impérissable. Mais déjà l'année dernière, il n'était pas là, Lalanne, et je crois qu'il n'était pas là parce qu'il se présentait aux élections. Et du coup, il ne pouvait pas être au four et au moulin, le pauvre. Bah, il ne pouvait pas être au fort et au moulin. Et au but. Non. Quel talent. Et au but. Auto-applaudi, je le méritais. Bravo. Et au scrutin. Au fort et au scrutin. Oui, bravo. moins d'applaudissements. Ouais, j'applaudis moi, j'applaudis un peu moi. Bon. Oui, toi, t'as fait Fort Boyard. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton expérience au Fort Boyard? Bah, voilà. Non, mais c'était pas. Parce que les gens. Non, si, c'est génial. Mais, en c'est... Vrai. Mais c'est difficile. Mais c'est très particulier. Ouais, ouais. Voilà. T'as fait les araignées et tout ça? Ouais, j'ai fait les araignées. Ah ouais. Et bah voilà, ça bouge, c'est terrible. Il y a une technique, on m'a donné une technique, c'est Baptiste Le Caplin. Les écraser avec le poing. Non, non, mais qui me l'a rapporté, Jérémy Ferrari. Quand il a fait Fort Boyard, lui il a vraiment peur des araignées, apparemment, Jérémy Ferrari. Et donc évidemment, quand tu dis ça, eux ils te foutent directement dans les trucs, genre bah moi j'ai un peu peur du vide, ils te foutent ouais. à 30 ouais. mètres du sol. Voilà. Mais lui il a dit, je vous préviens, moi j'ai vraiment une phobie crasse, s'il y a les araignées, je les tue toutes. Je les écrase, mais par, ouais. par peur en fait, je vais les défoncer. Du coup, ils l'ont pas mis. Mais ouais, c'est petite technique, si oui, vous faites Fort Boyard. Tu vois, par exemple, moi j'ai écrit sur ma fiche attention, s'il y a des trucs à manger, je ne peux vraiment pas le faire. Ça me rend très très malade. Ce n'est ouais. pas une coquetterie. Je ne peux vraiment rien manger. Ouais. Bon, bah, cut. Willy Revelli, exactement. Et en fait, du coup, le truc, et tu vois dans mon regard, genre, je regarde les caméramans, genre, ouais, bah, c'est maintenant où on me sort, en ouais. fait. Et du coup, je regardais, et pas du tout, personne ne bougeait. Donc, Willy Revelli, t'as chopé l'oreille, fait, tu vas manger. Non, c'était horrible. D'un seul coup, il lance un pchit qui est odeur vomi. Donc, moi, il m'en faut pas plus. Wow. Et je pars dans un hawker, un premier hawker, et un. Devant la France entière, la honte suprême. Et j'arrive dehors, j'ai chaud. Je suis comme ça. Et il y a un gars qui arrive avec une bouteille d'eau et une banane qui me dit « Tout va bien ? Tu veux manger un petit truc ?» Donc c'est bon, puis là tu peux y retourner. Et je suis là, mais en fait, qu'est-ce que vous comprenez pas? Je vous ai dit que ça, c'était pas possible. C'est mon max. C'est horrible. Ah putain, merde. Mais d'ailleurs, il y a un moment où parce que j'ai vu la vidéo. Je l'avais envoyé à Carlito, tu l'avais fait avec Big Flo, Oli, ouais. Carlito, McFly et Camissaire. Et Camissaire. Et quand vous arrivez au truc de la bouffe de Willy Rovelli, vous prenez de la flotte dégueulasse ouais. directement en je mode. Je sais pas ce que c'est en fait. Moi je suis déjà partie pour vomir oh. à ce moment-là, donc je l'ai pas vraiment. Donc tout le monde se prend un saut. Je vous invite à regarder le replay, je crois que quelqu'un avait fait un montage. La tête de Carlito. C'est-à-dire qu'on voit vraiment le gars qui retient un coup. Ouais. Il a vraiment un truc de. C'est vraiment très énervé quoi. C'est vraiment tout ce qu'il déteste. Et moi, bizarrement, je sais que c'est le rêve de plein de gens. Moi, j'ai jamais eu envie de faire Fort Boyard. Bah là, moi, c'est terminé, moi. Mais t'avais une petite envie ? Ouais, il y avait un peu un truc genre en but de vie, tu vois, de dire je ferai Fort Boyard. Non, moi, c'est ouais. le bateau pour aller jusqu'au aussi. Phare qui me c'est le peur. Petit zodiaque. Un peu. Ça, non, non, ça, j'adore. Faire, j'adore ça. Toi, tu veux pouvoir le faire. Ça, j'adore ça. Mais ça, oui, c'est ça, tu vas à La Rochelle, tu payes 30 balles, tu fais voilà. un petit tour, hein, je pense. On peut faire le tour. Bon, ben voilà, ça, c'est bien, ça, c'est réglé, je note. Mais c'est jet ski, sinon. Et c'est fou que ça existe encore, moi, je trouve, Fort Boyard. De quelle année ? Ça a 30 ans. Je sais pas, c'est très dur. Je pense ça a 30 ans, au moins 25, quoi. Ouais, ouais. Et ça a été vendu dans le monde. Tu l'as dit, le pot, mon pauvre. Mon pauvre. Après, je cache pas, moi, l'émotion au moment où je suis sur ma petite lettre et où j'entends Félindra, tête de tigre. Ah ouais, et là, tu entends le truc et tout, et les pièces tombent, bah là, je fais pas la maline. Et là, t'as fait quoi comme technique pour ramasser les pièces? Est-ce qu'on t'a porté? Mais oui, alors, j'ai l'impression qu'ils le font plus, non, ça. Non, alors, parce qu'ils te disent c'est hyper dangereux, machin. Et nous, il avait trop bien. Et en fait, c'est exactement ça. En vrai, ça marche trop bien. Mais oui, ça marche trop bien. Bah oui. Alors, moi, je prenais comme ça, je mettais comme ça. Sachant que t'as pas le droit non plus de tirer ton non. t-shirt. Ah mais je me suis toujours dit ça, mais ils sont débiles ou quoi? Ouais. Moi je pense vraiment qu'ils sont là en off. Parce qu'en même temps, moi si je fais Fort Boyard et que c'est pour une asso, qu'est-ce que tu veux qu'ils disent? Tu sais, tu le fais et Olivier il fait t'as pas remettez le droit l'argent. Je fais bah quoi? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux que j'aide pas les petits myopathes peut-être? Et du coup bah surtout la conversion Boyard euro nul. C'est au poids genre ouais bah 3000 balles. Allez après c'est bon. Ouais, bah, bonne soirée, salut. Ça veut rien dire. J'ai jamais compris ouais la conversion entre le Boyard, le Boyard c'est et la gueule. L'euro. Ouais, c'est la gueule. Ça dépend de quand tu passes dans l'émission. Ça c'est Respect à Fort Boyard, on n'est pas en train de dire que c'est truqué, on n'est pas les Mediapart hein, non. C'est pas de la merde comme le Puy du Fou. On peut y venir à cette histoire qui tient à cœur à tout le monde. On va y venir, je tiens mon émission d'une main de fer. C'est incroyable. Je suis tombé sur un article que je voulais partager avec vous sur les arts divinatoires. Ah voilà. Bah. Parce que je sais. Tu vas te régaler, toi. Toi, t'adores ça. Non, parce que je sais que ça vous intéresse. Alors, loin, on va pas partir dans des débats qui n'ont aucun intérêt, mais il y a un top 10 qui est sorti sur Femme Actuelle qui parle des arts, des arts divinatoires les plus surprenants. Ok. Ah, les lignes de l'anus. Alors, Ah, ah merde, c'est enceinte. Il a évidemment gâché le premier, mais, mais c'est pas grave. Parce qu'en gros, je vais vous dire les noms et à vous de deviner. Ah merde, pardon. Non, mais c'est pas grave. J'en ai 10, donc tout va bien. Okay. J'en ai un, donc effectivement, celui de lire dans les lignes de l'anus, la rumpologie. Rumpologie. À savoir lire l'avenir dans le sillon interfécier. Mais c'est fou parce que rump, ça veut dire fesse en anglais, donc ça doit. Je suis pas aussi bilingue que toi. Je crois que et que Albon Lenoir, qui est très bilingue, rappelons-le. Cet art divinatoire ne date pas d'hier, il a pour ambassadrice Jackie Stallone, mère de Sylvester Stallone. Qui en a vu passer du fion. Grande amoureuse de fion s'il en est. À 97 ans, ce phénomène plus connu pour son recours immodéré à la chirurgie esthétique que pour sa mère française, continue à pratiquer son art. Ouais, je pense qu'en fait, là, il y a beaucoup d'infos. Ça, ça, il met... Tout ça pour un anus. Ça, je pense que c'est les articles qui mettent des infos pour que tu cliques sur un autre article. Ouais, enfin, bon, bref. Pas de contact avec le consultant, elle travaille sur photo, donc voilà, elle ne vous touche pas. C'est bien, elle lui observe la forme des fesses, les taches de naissance et autres grains de beauté, mais aussi les lignes formées autour de l'anus. Ça, c'est... Donc ça, tout dépend de, donc, de, une photo de ton passif. Non, parce que ça peut se transformer au fil du temps. Ça dépend du mercredi soir, ça dépend de ce que t'as bouffé, ça dépend de plein de choses. Exactement. Qu'est-ce que l'onychomancie? Onychomancie. Alors, ah non, merde, j'allais dire. Alors, Mancy, déjà, bon. Bon, ça, c'est bon. Tu pourras ville. Le faire à tous. Hein, c'est comme cartomancie, donc ça, c'est bon. Onycho, alors. Rien à voir avec Nicolas Sarkozy. Ça a à voir avec les eunuques. Pas du tout. Pas du tout. Onycho. J'aime bien ce que t'as faux avec panache. Onycho. Sémantique. Onycho. Les yeux. Les oreilles. Les on. Oignon. Un oignon. Non. Oh non, mais. Dans les lignes de l'oignon. Les yeux. Les zones. Non. C'est le corps. C'est les le corps. Les onigiri. Ah, le corps. Les ongles. Les ongles. Art divinatoire consiste à interpréter la forme des ongles, mais aussi les taches et petits accidents présents en surface. On peut utiliser de l'huile. Ouais, manquer de calcium, tout le monde dit ça. Allez là. Les taches blanches, tu manques de calcium. Je vais t'abîmer sur ton téléphone. On peut utiliser de l'huile posée à la surface de l'ongle pour que les reflets mettent en relief les inégalités. Les inégalités de l'ongle, hein, pas les inégalités sociales. Cette pratique se rapproche de la chiromancie ou chiromancie qui consiste à prédire l'avenir dans les lignes de la main. Voilà, beaucoup plus connu. Mais alors, donc tu peux lire l'avenir dans les ongles. Bien sûr. Ouais, voilà, bien sûr. Ah bah, la chasmimancie. Chasmi et chasse-moi sont dans un bateau déjà. Oui, et chasse-mi ton ballot. Chasmimancie. Le châssis. Alors, ça, c'est moins sur le corps, c'est plutôt quelque chose que l'on fait. Parfois par mégarde, et ce n'est pas lâcher une bonne caisse, mon bon Adrien. Assume tes blagues au lieu de les projeter sur moi. La chasse, si tu tues un animal. Par mégarde. Redis le. La chasse mimancie. C'est la façon de s'asseoir. Non, mais c'est trop bien. S'asseoir par mégarde, j'aime bien. Non, mais. Oh bah, tiens, merde, je suis assis. C'est la chaise, chasse, je sais pas, chassis. Bon, voilà, je suis un peu littéraire. Non, mais c'est quoi? C'est pas déconnant ce que tu dis. C'est pas déconnant. Vous trouverez pas avec chasse. Ouais. Okay. Pensez à un avec c'est pas respirer. Respirer. Non, mais tu t'approches. Bien sûr que je me rapproche. Bien sûr. C'est éternel. Gestuel. Tousser. T'es encore pas. Tousser. Non, t'approches. Mais t'es dans. Ronfler. Non, presque. Parler. Souffler. Non. Respirer. Non, on a déjà dit ça. Aspirer. Expirer. L'inverse. Souffler. Inspirer. Non. Expirer. Éternuer. Bailler. Ouverture de la bouche, analyse du son et des étirements associés, autant de signes qui sont porteurs de sens pour celui qui pratique la chasminancie. Qu'est-ce que la ménomancie? Ménopause. Bah oui, ça doit être dans les ovaires, non? Dans les ovaires. Ou le vagin. Non. Ou l'utérus. Oui, enfin on est autour de cette. Ou les grandes lèvres, les petites lèvres, le clitoris. La chasse. Autour des règles, autour des règles. Exactement, dans les règles. C'est dans le site Consultation Voyance. Il ne s'agit pas de lire dans les fluides corporels, mais d'étudier le jour de commencement des règles et son numéro dans le mois d'après la numérologie. Bien sûr, bien sûr. Moi, à chaque fois, je pense à ce genre de truc et je me dis, le premier qui l'a fait. Oui. C'est-à-dire, il a regardé tes ongles, il a fait « Oh papa, toi tu m'as gagné au loto toi !» C'est un délire ou pas? Tu vois ce que je veux dire? Oh papa. Le premier qui, tu vois, le premier qu'il a fait. Oui. Il a eu dans ton anus, il a fait « Ah !» Et ça c'est ma vraie. Ça l'année pour toi. Ça, je pense que l'île de l'anus, je pense que c'est une solution de sortie. C'est genre, qu'est-ce que tu fais? Je lis l'avenir. Je lis l'avenir. C'est ça. La mère de Stallone en galère. J'ai l'avenir. Mais si Buster qui arrive et qui fait qu'est-ce que c'est que toutes ces photos de trous de balle. Et bah, je lis l'avenir. Figure-toi. Tu mets la grave beauté sur le cul. Tu me remercieras. Donc, en gros, je vous donne. Si ça vous intéresse, en tout cas, la ménomancie. Donc le lundi, c'est jour de la lune, vous ferez une nouvelle connaissance. Le mardi, jour de Mars, vous recevrez un cadeau. Mercredi, jour de Mercure, inquiétude à l'horizon. Jeudi, jour de Jupiter, une déclaration sentimentale est en vue. Vendredi, jour de Vénus, moment de tristesse en approche. Samedi, jour de Saturne, vous aurez bientôt la solution à votre problème. Et dimanche, jour de Reichmann, il y a Jean-Luc Reichmann à la télé. Après, non, ouais, le problème, soleil. C'est les règles. Donc, c'est les règles, voilà. Tu peux nous envoyer ça par... Par WhatsApp. Oui, s'il te plaît. Un petit WhatsApp. Qu'on puisse le conserver, parce que... Alors, celui d'après... Il doit y avoir une app, je pense. Celui d'après est, trop faci- est très facile. La scatomancie. Dans le caca, c'est dans le caca, c'est le caca. Par l'examen des matières fécales. Alors, il s'agit bien d'observer les selles. Quand différence... on parle du puits du fou. Ça, c'est les lignes du trou de balle. Quand ça tourne mal, ils font « Vous inquiétez pas. » On a une option B. Vous inquiétez pas, mamie. La photo est floue pour le trou de balle, mais... grâce à Dieu, je manie la scatomancie. C'est en notre gros, jour de chance. Ça avait lieu au Moyen-Âge, au règne de Louis XIV, qui nous a quand même apporté des belles choses. Ah oui, il chiait derrière les portes à l'époque. Ah, les hommes de science analysaient scrupuleusement, je pensais pas le voir utiliser là, scrupuleusement la production de leur royale majesté pour en déduire un état de santé ou un éventuel problème à venir. État de santé, oui, d'accord. C'est pas du tout l'avenir. Gastro-entérologue, ça s'appelle. C'est vrai qu'en lendemain de cuite, ah, toi, t'as mal mangé, toi. Merci. Bah oui, j'ai une flaque de chiasse à mes pieds, donc. Bravo, t'es médium, non ? Bravo, Jean-Jean. Sachant que la flaque de Chial Somancy était le 7e. Vous pouvez assister à une séance de scatomancie, si ça vous intéresse, sur le site de Genside. Voilà. Alors, c'est flouté, mais c'est extrêmement intéressant. Et c'est SS Singh, l'étonnant voyant qui prédit l'avenir dans les excréments. Voilà, je vous invite à acheter un petit œil. L'aspergomancie. Dans les asperges. Exactement. Ah, ouais. Oh, bah, bravo. T'as fait latin. Attends, mais c'est. Il y a un créneau de ouf là en fait. On salue, parce que je sais que c'est une fidèle auditrice, Jemima Packington. Aspergomancienne britannique. Non, c'est incroyable. Mais elle est plutôt asperge sauvage ou Écoute, je crois qu'elle peut lire dans tout type d'asperges. Wow. C'est pour ça que c'est la meilleure. Cette pratique divinatoire consiste à jeter des asperges en l'air et analyser leur positionnement. Ah non, mais c'est encore pire, putain. C'est les Mikado en fait. C'est des osselets quoi. Ouais, c'est ça. Excuse-moi. Ah, génial, putain. Jemima, ça marche avec des poires, mais pas du tout, bordel. Non, c'est ça. T'es cinglé ou quoi? D'après l'experte, en 2019, les États-Unis s'enfonceront dans la récession tandis que l'équipe britannique de foot féminin emportera la Coupe du Monde organisée en France. Affaire à suivre. C'est donc fou, je sais pas si tout ça. C'est des gens qui s'inventent des métiers, quoi, globalement. Oh, arrête. Non? Hein? Ah, je veux dire, comme podcasteur. Oh. La pissomancie. La pissomancie. Ah, ça, tu l'as inventé. La salive. Non, les poissons. Le pissenlit. Non, ouais. C'est la sueur. C'est encore du jet de quelque chose. Du jet. Enfin, jeter un truc jette, en l'air. Ah, jette un truc, jette les épis de blé. T'as dit quoi? Pissomancie. Pissomancie, qui n'est pas une pizza. Non plus. Pissomancie. C'est juste ce que avec cet accent. On jette. J'adore parler italien. Des arêtes de poisson. Oh, ah oui, les poissons, bravo. Pisse. Non, c'est pas ça. Mais non, non, mais je pense que mais ça. Me regarde pas comme ça en fait, c'est pas ça du tout. De la pisse, tout bonnement. Non, tu j'aurais, jettes adoré, de la pisse. J'aurais adoré. Oh là. Bah, ça va être dégueulasse chez vous. Ah bah, c'est, ça y est. Est-ce qu'il y a un lien ou est-ce que vraiment rien du tout avec le titre? Pardon. Aucun lien avec le titre, quoi. Bah, peut-être, je suis pas latin ou. Bon, je vais vous le donner, il y en a d'autres derrière. Un indice. Non, bon, allez. C'est le jet de pois sec. Tout ça pour Et la façon dont les légumes, pareil, pas s'élèvent, évident. Puis leur placement sur le sol, les figures qu'ils forment, voilà. Pas évident. Genre, s'ils tombent et que ça fait une croix gammée, pas ouf. Ouais, c'est très mauvais avenir. La mélomancie. Dans la musique. La façon de parler. Les pommes. Tout bonnement. Ah, tout bonnement, c'est dans les pommes. Oui. En fait, ils ont ouvert un cabinet tous ensemble, les asperges, les pois et les pommes. Là. Moi, je pense que ces gens se connaissent. C'est quoi le plus fiable du coup? Justement, ça me mène directement à celle d'après, la chromiomancie. Ou c'est dans par les oignons. Non, les oignons. Ah, on est encore en fait, c'est quelqu'un qui a envie de faire une soupe et qui dit alors, faut amener vos propres oignons, par contre. Puis... Sauf que les la séance d'après, c'est une asperge, puis après, il se fait une bonne soupe à la fin de la journée. Tout bonnement. Ce que je trouve surtout dégueulasse, c'est pour tous les autres fruits et légumes, alors qu'il y en a quand même un bon paquet. Sachant quoi, la tomate. Elle est où la tomate en fait? Pas du c'est tout un fiable, peu arbitraire quoi. Tu sais quoi, la tomate à mauvaise presse, et tu sais très bien pourquoi. On est tombé sur des jets d'une tomate, elle s'éclate. C'est pas fiable. On a vu des vieux tweets de la tomate qui sont un peu limite. Non, mais par contre, pour lire l'avenir, c'est pas Italien, pardon. La façon de lire l'avenir n'est pas la même. Par exemple, sur les pommes, tu peux déduire qu'une jeune femme se mariera dans l'année si elle peut peler une pomme d'un coup sans casser la pelure. Ah c'est oui, voilà. C'est comme la mayonnaise avec les règles. Pardon. Quoi? Oui, wow. C'est vrai, t'as raison. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus? J'ai alors, pas cette info. La légende dit qu'une une femme qui a ses règles ne peut pas faire monter une mayonnaise. Ouais. Est-ce que ça se vérifie? Une mayonnaise, et elle ne le prend pas si elle est. J'avais entendu, je sais tu pas. Tu voudrais dire que j'ai jamais fait de mayo. Une femme qui aurait ses règles ne pourrait pas bosser dans un kebab, par exemple, parce qu'elle ne peut pas nous faire une petite sauce mayo. Pas du tout. Non, pas du tout. Mais ça avait été débunké à la nuit originale, puisqu'il y avait. Par Simone Veil, je crois. Non, mais ils avaient fait. Il y avait une meuf qui avait dit bah, moi j'ai mes règles, donc elle avait essayé, elle avait fait de mayonnaise. Par contre, elle s'est fait chasser par un loup. C'est une autre. Et donc, oui, les oignons, pardon, eux, c'est encore autre chose. La méthode est simple, mais elle est très lente. On prend deux oignons, on écrit oui sur l'un et non sur l'autre. J'aime beaucoup. On leur pose une question fermée, dont la réponse. Ah, et c'est celui qui moisit le plus vite. On les range ensemble. Le premier à germer donne la réponse. Ouais, bah, très long quand même. Alors ça une autre, c'est un autre. Est-ce nom. Que j'ai trois ça, jours à vivre? Ça s'appelle. Oui, mais trop tard. Ça a un autre nom. Ça s'appelle le hasard total. Voilà, bien sûr, évidemment. L'héliomancie. L'huile. Exactement, l'huile d'olive. Eh bien, le devin interprète les formes et les symboles qu'il y voit, un peu comme dans le marc de café. Le marc d'Acascos. Marc d'Acascos de café. Alors, Marc-Angèle, spécialiste art divinatoire, a son petit avis sur la question. À la différence de l'astrologie, dont l'étymologie renvoie à l'étude et la connaissance, en l'occurrence des astres, les mancies signifient divination. Or, le support de divination importe peu. Il est personnel à chacun. Donc, si vous voulez voir l'avenir dans, je sais pas, l'enduit ou le plâtre, dans la moustache, dans la moustache, dans les lignes de la moustache, voilà, vous pouvez voir où bon vous semble l'avenir. Et ok, c'est... Bah, génial. c'est bien du coup. Est-ce que vous êtes déjà allé voir des voyantes? Toi, t'es déjà allé voir une voyante? Alors oui, mais ça a complètement foiré quoi. Enfin, ouais. C'était une catastrophe. C'est bon, bien, comment ça s'est passé? Je pense que je brouille les ondes. Ouais, il y a un truc. Alors si c'est pas indiscret, t'es allé la voir pourquoi? Bah pour un peu de tout, tu vois. Et par exemple, un check-up. Non mais par exemple, j'avais demandé un petit peu, j'étais depuis 6-7 ans avec mon mec en Espagne, et je lui avais dit, écoute, si je commençais ce métier, donc c'était il y a 3 ans et demi quoi, et genre et donc la nana, je lui dis bon, ça partait un petit peu en vrille avec lui, et du coup je lui dis bon, est-ce que ça va s'arranger? Elle me dit oui dans l'été là je vois que vraiment là ça va se ressouder, et on s'est quitté par téléphone début juin. Donc on était quand même sur pas du tout la bonne info quoi. Et elle t'avait dit tu feras zéro carrière, et regarde, tu remplis de fou. Non mais Moi, j'aimerais bien y aller, mais c'est avec la mauvaise, tu sais, c'est pour vérifier, quoi. Donc, s'il paraît que ça marche pas, tu sais, quand tu es dans un truc où tu te laisses pas avoir. Non, pas, mais en plus, ça pas te, se laisser avoir, mais te, ça en te tout cas, conditionne, où, quoi. C'est ça. Moi, je pense que je serais trop dans un truc de défi, donc ça sert à rien, quoi. Je vais vraiment être dans un truc, je sais pas. Je te donnerai 2-3 numéros, quoi. Mais oui, toi, t'as fait, toi, ça, un peu. Ouais. Bah, y a toi, celle avec ton clébard, déjà. Parce que peut-être alors celle-ci, elle marchait pas du tout. Celle-ci, c'était vraiment l'arnaque. On l'avait dit dans un précédent. Peut-être que j'avais la mauvaise. Ah bah oui, c'est ça. Il y a autant. Ah mais attention, ça c'est. Oui, il faut se donner les bonnes adresses. Si elle lisait dans les asperges, déjà c'est mauvais. Déjà c'est mauvais. Elle bossait chez Liebig pour sa défense. C'était mal parti. Non mais parce que alors ça c'est une autre histoire que vous pouvez écouter dans un précédent podcast où tu es venu, Audrey, où t'avais payé une voyante pour ton chien. Non, alors attention. Pas une voyante, oui, non, une médium. Mais oui, une qui parlait aux animaux. C'est ça. Mais je sais plus comment ça s'appelle. Qui était Jeff Panacotte. Tu les as vus, tu les as vus discuter entre eux. Non, vraiment pas, mais c'était terrible. Non, parce que c'est à distance. C'était à distance. Il y avait beaucoup d'indices, sans fait que c'était... C'était une arnaque. Mais les deux pchit-pchit qu'elle m'avait envoyé sentaient hyper bon. Alors ça, j'étais contente. Ouais. C'est incroyable cette histoire. Elle c'était pas Willy Revelli du coup. En visio quoi. Non, rien. Ah ouais, rien. À distance. Vous me payez, je l'ai payé, c'est fait. Bon bah super. Décrivez-moi votre chien, ouais, ok, ouais. C'est bon. Ah ouais. Je l'ai localisé dans le cauchemar. Ça a changé quelque chose dans le... Rien du tout. Yes. Voire même, ça l'a un peu plus agité. Parce que je pense que mon chien, tu lui dis quoi, j'entends une femme. Bah ça l'a complètement. Non. Ça n'a rien fait. Mais toi, tu étais voir des voyantes et ça t'a servi. Oh, servi. Non, mais en tout cas, oh, ça t'a... Oh, attention. Mais à chaque fois, elles m'ont dit des choses qui étaient relativement vraies. Voilà. Relativement. Ouais. Voilà. Oui, il y a toujours un petit moment de latence. Ouais. Oui, voilà, c'est ça. Les emplois saisonniers, j'aimerais vous parler de ça. Tu m'as pas demandé, moi, mais bon, il n'y a pas de problème. Ah, t'étais pas en voyant ? Non. Oh, bah super ! Oh, bah celui-là ! Non, mais ouais, moi, je, Adrien, moi, je rêve. Oh, peut-être, c'est ce qui pourrait me pousser à un jour lancer un Patreon de Floodcast, c'est payer une voyante à Adrien et on met un micro. Ah ouais, ça, c'est, ouais, ça peut ouais, vraiment oui, être oui, mon oui. moment préféré de la ouais, vie. Mais bah. Si elle dit des trucs vrais et tout, je vais chialer. C'est la fenêtre de ton cœur qui s'ouvre, elle qui grince, se fissure mais... peu à peu. Simplement. Non, mais c'est vrai que moi c'est, ouais, moi, c'est un truc qui me. Je sais pas, je pense que je serais trop dans le contre. Et moi, que... j'ai une bonne un adresse. Psy, déjà, c'est pas mal. Oui, voilà. Si, c'est bien déjà. T'as une bonne adresse. Ouais. Mais elle lit quoi dans les cartes, dans quoi ? Non, elle, par exemple, elle parle avec les personnes qu'on appelle tes guides. Donc elle entend les personnes qui veillent sur toi, quoi. Après, c'est Stéphane mais... Bourgoin avec une perruque. Et la personne qui veille, c'est Laurent Veille. Ouais, vraiment, c'est... Ouais, non, mais voilà, Simone, pas ouf. Je suis à... choisi. Ouais, non, je suis un peu trop comme toi, je crois. Moi, j'ai trop. Moi... Et puis, moi, alors ça, c'est un aussi petit. Le truc. J'ai déjà ça avec les médecins, les profs. Hein, j'ai... Tous les trucs où... Non, mais tous les trucs où il y a une ambiance un peu trop sérieuse, ah oui. Je vais vouloir rire. Ouais, faire mais tu blagues, peux, gâcher, ouais, j'ai gâcher du mal totalement. Avec ça aussi. Ouais, c'est quoi, ça. Tu rigoles chez le médecin, par exemple ? Ouais, non, mais... Il est con. Le doigt dans le cul. Oh, oh non. Ça pue la merde ou pas ? Un cancer, vous êtes con. Alors, tu lis l'avenir ? Je rigole. Ah, j'espère être plus marrant que ça. Non, mais j'ai... Non, mais par exemple, je suis allé... Quand je suis allé chez... comment on appelle ça ? Le dermato. Tu vois, c'est des situations trop bizarres, donc j'ai besoin de ça me fait rire en fait, oui, c'est oui, nul, oui, tu vois, oui, mais c'est un truc de dédramatisation du bordel. Ouais, bah, moi, ma dermato, je lui ai demandé, quand elle m'a pris mon grain de beauté, je lui ai dit « Alors, madame, quoi, j'ai un cancer ?» Histoire de dédramatiser, elle m'a regardé de très premier degré, elle m'a dit « Bah, on verra dans 15 jours. Ah. » Allez, j'ai fait allez, voilà. Bah, et yes, c'était il y a 14 jours, donc l'issue de ce podcast. Voilà. Super, voilà. C'était simplement de l'herpès. Moi, mon dermato, il m'a fait marrer aussi parce que j'y suis allé pour autre chose où je pensais avoir un petit truc, puisque j'ai un truc au crâne, une espèce de petit truc, et voilà, une extension. Pas, une extension, moi je m'en foutais, mais ma compagne me disait ça peut être un kyste et tout machin. Et c'était un kyste, mais bénin, donc vous inquiétez pas. Je vous sens derrière le votre poste fébrile. Tout va bien. Et mais c'était vraiment nul quoi. Il a regardé, il fait non, c'est bénin. Et vraiment, j'étais là, genre. Pas faire que ça quand même. Et donc il commence à se rasseoir, je fais peut-être on peut vérifier les grains de beauté. Il fait oh bah oui, ça vous coûtera pas plus cher. Je fais, ah bah oui, faisons ça. Faisons ça, on va faire 2-3 trucs. Voilà. Voilà, parce que moi j'ai toujours pas de carte vitale, donc sinon, du coup ça me coûte 70 balles. Mon téléphone est en néerlandais, vous pouvez me le. T'as qu'à faire, ça coûtera pas plus cher, vous me le réglez. Vous maîtrisez une imitation, c'est pour mon répondeur. C'est pour mon répondeur. Non, je voulais vous lancer sur les emplois saisonniers, puisque le top 10 des emplois saisonniers a au été. Au Puy du Fou par exemple. C'était ma petite transition, t'as gâché. Oh, putain, mais c'est pas grave. Parmi le top 10, vous me dites si vous l'avez fait. Employé libre service, donc ça c'est tout ce qui est mis en rayon. Un truc comme ça. Non. Non. Non. C'est bien. Oh arrête, commence pas. Achalandage, ah, on donc, est sur l'achalandage. Parce que l'achalandage. Achalandeur. C'est le film avec. Ouais, moi je travaille dans une stuff lambert. Merde non. Oui, si. Oui, c'est ça. Ouais. Achalandeur. Moi j'avais Achalandeur Bing dans Friends. Moi je trouve que l'achalandeur ça fait un peu film de boule. Quoi. C'est vrai. L'achalandeur. La chaleur de l'achalandeur. Il est l'achalandeur. Ok. Cuisinier. Tout simplement, en tout cas, en cuisine. Non, j'ai absolument jamais fait ça, bien sûr. Ouvrier non qualifié en manutention emballage. Pas non, du tout. Pas du tout. Que des branleurs. Sophie Marie qui a fait ça, par contre, elle en avait parlé dans le podcast. Ouais, c'est vrai. Voilà. Employé de l'hôtellerie. Alors, Adrien, toi, tu l'as fait dans une série disponible gratuitement sur YouTube, Groom. Oui. Employé de l'hôtellerie. Alors, non. Hôtellerie, non. Non, non, pas hôtellerie. J'ai pas pourquoi fait hôtellerie, non. Non, non, mais j'ai fait un peu des trucs de resto, de machin, mais pas hôtellerie. Et bah c'est celui de juste après, donc celui qui est un petit peu plus utilisé, employé polyvalent et de restauration. Oui. Ça t'a fait. Ouais. Absolument. T'as fait quoi, plonge, serveur 1, 0, 0, 0. J'ai tout fait à peu près. Non, j'ai pas fait plonge, j'ai fait serveur, barman beaucoup, barman en boîte de nuit. Oh, énormément. Ça doit être très sympa, ça. Ouais, il faut boire de l'alcool hein, pour à partir d'un moment donné. Vers 3h du matin, tu décides de boire pour supporter, en fait, pour te caler en fait, avec les personnes avec qui tu échanges. Oh parce là que là sinon, tu ne peux pas tenir jusqu'à 7h du matin. Ah ouais. T'as des envies de patates. Mais j'avais inventé un petit cocktail d'ailleurs qui était pas mal, qui te mettait directement au niveau. Mais non, mais c'est vrai que moi, c'est un des métiers où je suis complètement d'accord avec vous parler mal aux gens. C'est-à-dire qu'un barman à 4h du matin, je crois qu'ils disent oui, bah 10 euros. Moi, je suis OK. Je suis OK avec ça. Non, parce que sinon, ça fait. Alors, est-ce qu'on peut changer le ticket de Vester avec pour un demi ? La musique est encore de plus en plus forte. C'est horrible. Horrible. Oh, surtout, tu l'as fait en Espagne ? Non, j'ai pas fait, pas fait en Espagne. Ok, ça aurait rajouté un petit bonus. Ouais. De... Mais j'étais partie en Espagne pour arrêter le milieu de la nuit, donc du coup c'était un peu une stratégie. Ouais, qui s'appelle la noche là-dedans. Ouais, la noche. Toi, t'as fait Guillaume restauration ? J'ai fait 2 semaines dans un restaurant quand j'étais jeune. J'étais nul, à chier. Bon, arrête. Et je me souviens juste d'une petite anecdote, figurez-vous. On s'en supplie. C'est que comme j'y connaissais rien, en fait, une fois, il y a 2 petites vieilles qui venaient tout le temps le midi. Et une fois, elles ont dit je vais prendre un steak tartare. Et là, j'ai dit quelle cuisson ? Aïe. Et là, non, fou rire des deux. Oh, meilleure vanne de leur vie. C'est vrai que c'est une bonne vanne. Cool. Je suis reparti dans le sens. Je savais pas quel cuisson, j'ai juste tapé steak tartare, je savais pas ce que c'était. Voilà, tout simplement. Mais potentiellement, c'est une blague de serveur. Oui, et après, quand je suis parti, genre une semaine après, je suis revenu. Genre, j'ai arrêté au bout de 2 semaines, je fais, c'est pas mon truc, je suis désolé et tout. Je reviens une semaine pour chercher mon chèque et tout. Elle m'a dit, tu sais que tu manques, hein. Il y a 2 petites vieilles qui nous ont parlé de toi. Le serveur là, qui est trop marrant et tout. Non, le serveur qui est trop marrant, j'avais fait le mal. Le malais des serveurs. Deux petites vieilles, j'avais compris 2 petites filles au début. Non. Deux petites filles toutes seules qui bouffent un steak tartare. C'est quoi ce deux truc? Deux petites filles qui sont là. Il sait pas ce que c'est un steak tartare. C'est un connard. Il a dit quelle cuisson, mais j'ai 8 ans. Oui, donc c'est ça. C'était les vieilles, elles se sont un peu moquées de toi. Elles ont pas cru que tu faisais une vanne. Mais elles ont cru que c'était une vanne. J'ai dit quelle cuisson, elles ont fait. Ah, je vais. Ouais. Ah ouais. Genre, Non, mais parce que ça, la question se pose. Moi, c'est les blagues de serveur. Moi, c'est parce que je prends du coca tout le temps. Et vraiment, c'est. Le Beaujolais du Texas. Oh. Enfin, j'aurais aimé ça, moi. Ah, moi, on m'a fait ça. Moi, c'est alors pour l'enfant. Ah, moi, c'est ça. Vraiment, j'avais fait une BD lourd, là-dessus à l'époque où j'avais mon blog BD. Ah ouais. Où c'était il disait un coca pour le petit. Oh là là. Et t'auras jamais de pourboire, sale chien. Est-ce que je peux avoir du pain ? C'est plus cher. Horrible. Ouais. C'est lourd, ça. Horrible. Ça, et quand tu prends un banco chez le buraliste, une fois on m'a fait gagnant ou perdant. Oh, elle est bien. Ouais, j'ai fait ça, mon gars, jamais d'être buraliste, du coup, j'ai envie de faire ça. J'ai envie de faire ça. Elle est bien. Elle est bien, celle-là. Celle-là, moi j'aime bien. Gagnant ou perdant. J'ai gagné à l'euro million. Bon. Non. Ouais, mais 5 euros. 3,50€. Ouais, mais bon. Non, mais c'est ce qu'il est. Moi j'ai jamais gagné. T'es Phoebe. C'est les montagnes russes. Là, c'est les montagnes russes. C'est incroyable. Donc Elsa Fayer n'a pas dit ton nom à la télé. Non. Bon, bah c'est non. Pas. Oui, bah du coup, un peu déçu. Enfin, c'est vrai que pour 3,50€, elle aurait quand même pu. Moi j'ai jamais gagné 3€. Hein, parce que je me suis arrêtée à 2. Bah, pas mal. On jouera ensemble, tu veux. Pas mal. Ouais. J'ai gagné 200€ banco. Eh ouais. Putain, voilà. Wow. Là, tout le monde ferme sa gueule. C'est ta voyante qui t'avait dit de jouer ou. C'est pour ça, relativement. Elle utile. M'avait dit, ces numéros sont gagnants. Ah, c'est pas vrai. Mais, c'est vrai que c'était relativement vrai. Ouais. Nous, on avait une idée. Alors, peut-être qu'elle existe déjà, ou peut-être vous allez nous la voler. Si vous nous la volez, je suis pas d'accord. Je suis copie comique. Mais c'est vrai qu'Adrien est copie comique, je vous le rappelle. Avec Baptiste Kaplan, d'ailleurs, c'est vraiment plus son idée à lui, mais il voulait que j'écrive dessus. C'est son idée à lui. Attendez, si on rigole, c'est ton idée. Si c'est nul, c'est Baptiste. Parce que j'ai travaillé dessus, mais c'est pas mon idée. Non, et en plus, il faut que je dise que c'est l'idée de Baptiste, vu que je vous rappelle que c'est lui copie comique. C'est vrai. C'est nous deux. Baptiste avait une idée très marrante. Sur, tu sais, à Noël, il y a des gens qui. Mais c'est tellement une idée cool, je trouve, que c'est fou qu'elle n'existe pas avant. Raconte à Noël, il y a des gens. Mais elle la raconte pas. Des gens à Noël qui. Peut-être je le couperai au montage, c'est pas grave. Qui offrent des enveloppes avec plein de jeux à gratter. Oui. Et ce serait l'histoire de. Ils offrent ça à un oncle, offrent ça à un gamin. Et le gamin gagne 500 000 euros. Et du coup, il y a la guerre au repas de Noël pour qu'est-ce qu'on fait des 500 000 euros ? Est-ce qu'on partage ? L'autre qui dit, ah, ça existe. Et bien, figure-toi, non, ça n'existe pas, mais la fou, j'ai gagné 200 balles au banco. J'ai gagné 219 euros en tout. Et on m'avait offert pour mes 29 ans 29 bancos. Une meuf qui m'avait offert ça. Cool, mais que je connaissais pas vraiment. Une meuf qui venait à la fête et pote de pote, tu vois. Ouais, cadeau à 29 et balles. Donc elle voulait et du coup, partager. Je me retrouve avec 219 balles. Mais tu sais, c'est le capé, mais je la connais pas trop, tu vois. Je fais bah cool. Qu'est-ce que tu fais après ? Je fais ah bah merci, mais enfin, ça t'a plu ? Ouais, j'ai gagné et tout. T'as gagné combien ? J'étais là. 19 balles. Bah, qu'est-ce que tu vas faire ? Bah oui. Ouais, j'allais dire, bah ouais, 219 balles. Ouais. Désolé. Ah, non, c'est ton cadeau. Ouais, mais c'est une galère. Ouais. Mais non, bah quoi. Non, tu l'en donnes justement, l'histoire racontée. Tu l'en donnes pas. Ah non, okay, pas. Tu m'offres 1 euro million, ok ? Je gagne 1 million d'euros, je t'en donne ou pas ? Bah, c'est toi qui décides, mais moi je donnerais. 1 million, je l'aurais mauvais. Est-ce que ouais, tu donnes non, mais 1 million, tu donnes pas, c'est radin. Si je gagne 1 million, je régale tout le monde. Même moi, par exemple. De quoi? Bah, si c'est toi qui me l'as offert. Ah, ok. Tu sais, alors que non, il t'a regardé du coup si tu lui as pas. Oui, je le ferai pas. Attends, ça peut partir vite un million, attention. Ouais, ouais, ouais, c'est ça, un million, ça. Par exemple, là, je t'aurais commandé à bouffer, genre, c'est pour moi, tu vois. C'est moi qui régale tout le monde. Régalade. Ah, il régale vraiment. Trop sympa. Professionnel de l'animation socioculturelle. Ah, c'est centre de loisirs, ça ou pas? Ouais, voilà. Les cantines, j'ai fait. Les cantines, j'ai fait. T'as fait ouais. Quoi toi Audrey? Pareil, animatrice en centre aéré, animatrice à Paris Plage, beaucoup d'animations. T'as dû inventer des petits jeux par exemple? En centre aéré, ouais. Oui. Oui, bah, oui, bien sûr. Tu peux nous en dire un? Ne fais pas caca sur le tapis ou qui a fait caca sur le tapis? Moi j'avais fait activité Quidditch à l'époque où les débilos de fans de Harry Potter ne le faisaient pas encore. Non, attends, on a déjà les plus du fou. Non, ça va. Calmos. Non, mais parce que maintenant il y a des gens qui font ça vraiment. Mais oui, à l'époque. Et on les respecte. Ça n'existait pas. Moi j'avais fait. Mais ça venait de sortir Harry Potter. En fait. Bien sûr. Bah, c'était Before It Was Cool. Et c'est ça. Et j'avais fait activité Quidditch pour les gosses. Je sais pas s'ils avaient trop tellement kiffé. Sachant que le cognard, c'était moi qui jetais le ballon à la gueule des gosses. Ah oui, voilà. Mais c'est peut-être lié du coup. Ouais, effectivement. Non, c'était un ballon en mouche, bien sûr. Ouvrier, toi t'as fait quoi, ça toi reste hyper violent. Je fais cantine scolaire. Cantine. Ah oui, donc en période scolaire, pas en été. Ouais, mais non, si c'était la fin de l'année. Et en gros, je venais juste pour la cantine. Très relou, parce que du coup, personne te respecte. Ouais. Et en gros, les CM2, ils m'ont piqué ma casquette. Et du coup, j'étais là, c'est relou parce que du coup, je connais même pas les noms, quoi, tu vois. Du coup, il courait dans la cour avec ma casquette, j'étais là. Bah, fais style, tu t'en fous, tu vois, parce qu'à un moment, ils vont la rendre. Ouais. Et s'ils la rendent pas, tu fais quoi? Du coup, j'étais dans un dilemme, genre, ah, c'est relou, tu vois. Genre, j'essayais de la reprendre. Et en fait, le problème, c'est que si tu dis, attends, je vais essayer de faire un move et je la chope, si tu la chopes pas c'est à ce moment-là, ridicule, c'est encore. Foutu, en fait. Ouais, c'est du coup, j'étais là, bon, j'attends, ils vont la poser un moment et tout. Moi, je pense, enfin, si j'ai des enfants et qu'ils se font emmerder à l'école et tout, je peux très vite aller dans des menaces de mort à des enfants et de dire qu'ils ont inventé. Genre vraiment dire à un enfant de 6 ans, si tu continues, je vais te tuer. Ouais. Je vais te tuer. Il y a ce truc je où je me dis, je vais boire ton sang, je vais te briser les jambes. La poussette dans le cul. Il y a toujours un truc où je me dis, tu sais, quand j'étais petit, les parents des autres, ils me faisaient peur. Mais est-ce que je vais faire peur aux enfants tu vois ce que je veux dire? Moi, je me suis toujours dit que de toute façon, je foutrais la honte. C'est sûr que oui. Moi, je suis né pour foutre la honte à mes enfants. Ah oui, à foutre la honte à tes moi, enfants. Moi, c'est obligé. Aux enfants des autres, avoir envie de moi, je faisais très peur aux enfants pendant longtemps et c'était très perturbant pour moi. C'est horrible, tu sais, dès que tu t'approches d'un gamin qui part en chialant, quoi. C'est très bizarre. Ça met pas dans la meilleure ambiance. Non. On peut dire. Non, mais moi, je sais que j'aurais envie de foutre la honte à mes enfants et de faire peur aux autres enfants, quand même. Même, et aussi, je m'étais toujours dit que je tiendrais ma revanche aux rencontres parents-prof. Genre à fumer des profs un peu. Ouais, je pense que je fumerais des profs à la rencontre. Mais que en vengeance. Ouais. Tu vois, si un prof de techno, tu vois, il pourrait prendre. Mon père, il me foutait bien la honte quand j'étais plus pré-ado, tu vois, à 13 ans, quand on était en voiture et qu'il y avait des meufs au feu rouge. Aïe, il baissait les vitres et il montait le son. Il était là, hey, regarde. Oh là là. Là. C'est terrible. Mais moi, je crois que j'ai déjà rétro, t'es là. Ça branle, tu vois, c'est des meufs de 14 piges. Et toi, t'es là. C'est fou, s'il te plaît. Là, tu fais, vous inquiétez pas, mon père est pédophile. C'est honteux, tu vois. Et fais rien, les minettes et tout. Arrête. Horrible, horrible. On a une Opel Corsa en plus. Oui, non, une Opel. Moi, il me foutait la honte. Il me foutait la honte en étant alcoolique, moi. Ben ça ah, bah le mien aussi, tiens. Voilà, du coup, tu confirmes? Absolument. Au restaurant, par exemple, c'est très gênant. Dans tout contexte. Très, très versatile, les alcooliques. En termes de malaise, tout terrain, vraiment, oui, toute plateforme. C'est ça, ils donnent en fait. Ouais, c'est mais... peu importe. C'est la roue libre. Peu importe l'arène au final. C'est Daniel Day-Lewis, du malaise. Je peux tout faire. De quoi? À l'école, je peux le faire. Laisse-moi me plonger dans mon rôle. Allez, moi, là, mais... ça y est, non, mais moi, trop loin. C'est... Non, mais moi, c'est... forcément, c'est nul à côté. Mais moi, j'ai une petite histoire un peu marrante sur ma mère qui, un jour, moi, j'ai toujours eu au-dessus de la moyenne, ça allait, mais j'avais 11-12, pas beaucoup plus. Et un jour, je fais l'erreur, j'ai 9. Donc, je suis en-dessous de la moyenne. Nul! Un nulos. Et ma mère, elle est très énervée, elle fait bon, ben là, ça va pas du tout. Je veux voir tous les profs. À la rencontre par T'avais prof. 9 de moyenne générale? Ouais. Ah ouais. 9,5, 9,7, mais. C'est pas ouf. Mais j'avais vraiment rien branlé de l'année. Bon, bah, enfin, du trimestre. T'avais découvert le cinoche et la masturbation. Oh, bien avant. Je vous raconterai ça un jour sur mettre de la biafine sur sa teub à 5 ans. Non, là, l'histoire, c'est autre chose. C'est. Donc, ma mère dit je veux rencontrer tous les profs. Mais sauf qu'elle s'est vraiment punie elle-même. C'est ultra inintéressant de voir tous les profs. Donc, elle s'est tapée à aller voir la prof de musique. Et la prof de musique, c'est pas la plus comment dire, c'est pas celle qui a le plus de rendez-vous à la rencontre parents prof. Et elle est venue la voir ma mère pendant qu'elle allait voir quelqu'un. Excusez-moi, vous pouvez me voir en premier parce que j'ai que vous en fait. Et vraiment, elle est arrivée et la prof de musique ne savait pas quoi dire. Mais c'était, attends, tu veux dire qu'elle a fait ces rendez-vous-là sans toi? Ah non, avec moi. Ah, ok. Ah, c'était horrible. Moi, déjà, il y a deux teams. Alors, ah, ça aussi, horrible. Putain. Moi, je ne forcerai jamais mes enfants à être présents aux rencontres parents. Non, mais c'est ça la punition. C'était qu'elle voulait te forcer à te mettre devant tous les profs. Bah ouais. Ah, mais ça. Elle s'est punie elle-même parce que c'était ridicule. Psychologue, elle, hein. Bah, faut pas oublier. C'est vrai. Deuxième, ouvrier agricole. Non, genre des faire les vendanges et tout. Non. Viticulteur, abroiculteur est le numéro 1. Non. C'est le métier qui est le plus fait par les, par les jeunes, voilà, je vous le dis. De quoi, viticulteur? Viticulteur, ah, les, et abrofiteur. Les vendanges. Ouais, les vendanges, ouais, exactement. Ah, génial. Donc le truc d'avant, c'était pas les vendanges. Pardon, excusez-moi. Non, non, c'était, voilà. C'était faire, juste le courrier. Dans les champs. Le cueillette. Se balader. La cueillette. Ouais. Exactement. D'accord. On passe à la nouvelle rubrique de l'émission. Le cuit du fou. Il s'agit du flow de cast. Ouais, il y a des petits jingles. C'est le courrier des lecteurs. Alors, c'est pas encore le Puy du Fou. C'est le Puy du Fou, mais avant toute chose. Donc, dans la dernière émission, l'avant-dernière émission, pour être tout à fait honnête, nous avons parlé de ma passion pour commenter les photos de Patrick Balkany. J'adore commenter les photos de Patrick Balkany. Je suis allé lire d'ailleurs, ça m'a fait beaucoup rire. Alors, oui, parce que, sauf que maintenant, on m'envoie des messages à chaque fois que Patrick Balkany poste quelque chose en disant Flo, on attend ton commentaire. Sauf que, sachez que Patrick Balkany. Ou son CM, j'en sais rien. T'as banni. Alors il m'a pas ban, petit fils de pute. Il m'a pas ban pour citer Big Flo de Big Flo et Oli. Ah, il t'a restreint. Non, mais il m'a supprimé tous les messages. Il m'a juste effacé les messages. Alors il m'a pas bloqué. Mais là, j'ai vu récemment, puisqu'en gros, moi, j'avais j'y commenté. J'y suis allé très récemment et je les ai vus. Écoute, en tout cas, il en a supprimé pas mal. Donc voilà, sachez que je continue à en mettre, mais que parfois il les efface, mais il me bloque pas. Patrick Balkany, qui, je vous rappelle, va beaucoup mieux. On l'a vu danser à la Fête de la Musique. Et est-ce que vous avez vu le truc qui est arrivé aujourd'hui où il pince un énorme cul? Ah non. Ah non. Et oui, il danse avec quelqu'un de Levallois et il y a une petite main au cul qui passe. C'est la régalade. Je vous rappelle qu'il est en mauvaise santé. Donc voilà. Et moi, quand je l'ai vu danser, je crois qu'une de mes premières pensées était. Il danse mieux que ce que je pensais. Ah, oui, il a un petit rythme. Il a un truc pas. Enfin, il danse pas bien, mais je m'attendais vraiment, vraiment moins bien que ça. C'est quoi. Rémi Corré, selon moi. dans ce même Floodcast, Cyprien nous avait partagé une histoire terrible où il avait un pantalon qui puait terriblement à un Icon Film Festival. Puait la merde. Dans lequel il était juré. Alors, puait la merde, rappelons que c'est quand même nous qui avons rajouté non, ça. Non, c'est lui qui dit. Une odeur de merde. C'est quoi le pantalon qui pue? En fait, il a mis un pantalon un jour pour aller au jury d'un festival de court-métrage. Il arrive au festival et son pantalon pue la merde. Et ça n'existe pas. Apparemment. Lui-même n'a pas compris. Voilà, qu'il ne comprenait pas d'où l'odeur. En fait, selon nous, il l'a chié dessus. Mais il l'a pris dans le panier à linge sale. Il l'a pris dans le panier à linge sale. Mais quand bien même. Mais oui, peut-être moi, je suis un d'accord. Chat, peut-être un chat. Bon, bref. Et donc, les gens ne savaient pas et ça avait entraîné tout un embouglio. Ou même Jacques Gamblin, c'était plein de l'odeur ce qu'il y avait Jacques Gamblin dans le jury. Bon, bref, voilà. Je vous laisse écouter le podcast l'avant-dernier, celui qu'on avait sorti. Voilà. Sauf que depuis. Alexandre Dino a publié un thread. Alors, qui est Alexandre Dino? C'est un mec qui bosse pour Nikon, pour le Nikon Film Festival, qui est responsable et membre du jury, qui a partagé la suite de cette histoire. Donc, je vous lis le thread comme il est devant mes yeux. C'est incroyable cette histoire. Cyprien qui raconte la pire honte de sa vie lorsqu'il était membre du jury du Festival Nikon il y a 5 ans. La suite est pas mal non plus. Après ce jour, on a signalé le problème aux proprios, qui ont fait venir des gens pour vérifier la clim et nous rassurer. Après ça, ils nous ont assuré de ne pas comprendre, car il n'y avait aucun problème les autres jours. Nous, on a pensé aux cuisines, juste à côté. Genre, ils cuisinaient du poisson, etc. On était grave gênés pour les membres du jury. L'odeur était terrible. L'odeur était tellement horrible que jamais tu peux soupçonner un humain. J'étais grave gêné pour toi, Cyprien, de te faire venir dans une salle qui puait à ce point. À midi, on a demandé au restaurant d'arrêter leur service. Je m'excusais toutes les 10 minutes auprès du jury. Résultat, on s'est dit que ce n'était pas possible de prendre encore le risque. On a changé de prestataire et de salle l'année suivante en vérifiant bien les aérations et l'environnement de la salle. On insistait trop suite à cette mauvaise expérience. J'ai revu Jacques Gamblin. Il m'a redit: très belle expérience, mais cette salle, c'est pas possible. Au final, c'était l'un de mes pires souvenirs du festival, sans savoir. Et il a dit: je pense pouvoir retrouver le discours de Jacques Gamblin en vidéo qui reparle de l'odeur. Génial. Ouais, c'est incroyable. Les pauvres, le resto là, qui ont perdu un client, quoi. Je sais pas s'ils ont perdu un client. Si, ils ont changé de prestataire. Ah oui, ils ont changé. Oui, voilà, ils ont changé de prestataire. C'est fou. Toujours dans les petites actualités auxquelles nous avons fait référence. Comment tu dis ça quand t'es responsable de ça? Ah bah, c'est écoute, il nous l'a, tu sais qu'il nous l'a gardé pour nous, hein, Cyprien. Il nous a vraiment, il a vraiment été sympa. Il nous l'a, il l'avait dit à personne. Quoi. Il nous a fait la primeur de cette anecdote. De ce, exactement, c'est ce que je voulais dire et j'arrivais pas. Je sais, mais maintenant. On est connecté. Tout à l'heure, tu voulais dire solliciter la prof de musique. Exactement. Exactement. Putain. Quel prénom donner à mon gosse du coup? J'ai pas de blague. On parle souvent de la ville d'où je viens. Je viens d'Autun. D'ailleurs, c'est dans le Morvan quasiment. C'est dans le Morvan. Parce que moi, je me disais, je vais peut-être aller dans le Morvan et je vois Autun. Je sais, bah alors. C'est le parc régional naturel du Morvan. Délicieux. Bah alors, évidemment. Donc, je parle souvent d'Autun, qui est la ville dans laquelle j'ai grandi, et de son maire geek. Alors, on a tout un passif avec le maire d'Autun. Il y a eu d'abord de l'amour, ensuite. Ouais, on s'est un peu reniflé, peut-être même, une animosité, peut-être, bon, bref. T'as lu l'avenir dans les lignes de son anus. Voilà, voilà, c'est ça. Et parce qu'il avait dit, il avait mis sur sa bio Twitter qu'il était le maire geek selon Floodcast, et il l'a effacé, enfin bon, bref. Ouais. Donc on sait pas où on en est dans nos relations. Toujours est-il que le maire geek d'Autun a publié un rap suite à sa candidature pour la ville d'Autun. Pépite. Car malheureusement, il est au premier tour, il a fini second. Ah là là. Donc il a publié une petite chanson que je vous invite à écouter. Ah, c'est très bien. Tu es né dans une cité HLM, c'est un la cité que tu aimes, en espérant qu'au fond de tes yeux termes, tu puisses y voir un petit brin d'air. Et les mains pour faire la part des choses, il est grand temps pour la bonne cause de beauté. Contre la vie morose, Saint-Pan est en pleine métamorphose. De nos rivières, de nos montagnes, beauté chauvaine. La vie pas chauvin, mais les jeunes sont Mais les jeunes sont hâles. Mais, voilà, mais les jeunes sont hâles. Reprise de trio, ouais. Mais avec une beatbox. Il y a avec un mec qui fait du beatbox, ouais, ouais. Mais qui est très doué d'ailleurs en plus, qui est Eclipse. Oui, il y a une vidéo en fait. Ouais, je vous le montrerai tout à l'heure, ouais. Hors antenne. Mais Vincent, voilà, Vincent Chauvet, donc. Qui est passé de maire geek à maire babos. Visiblement, ouais. On peut ah bah le là, dire. Là, ça le... fume du macramé. Hein. Le maire babos d'Autun. Alors, qui était quand même très énervé parce que. Donc, nous, on le sait, on a un passif avec le maire geek. Et puis, je suis un enfant du pays, donc quelque part. Mais Vincent Chauvet est très énervé par Sébastien Coé, qui, comme nous, a parlé de ce rap à l'antenne. Alors, lui, il a fait une petite blague. Il a dit qu'on dirait une chorale d'enfants de 10 ans. Et qui trouvait qu'il a fait une blague, il trouvait que c'était la meilleure façon de disperser des manifs. Et alors, Vincent Chauvet n'a pas beaucoup apprécié. Il a dit : je pense que ce n'est pas la période de faire de l'humour sur les policiers et les manifestants. Ouais. De mon côté, je suis d'accord que l'on puisse rire de cette reprise de variété française, mais mon intention n'était pas de gagner un concours de chansons. Au niveau national, les jeunes vont de moins en moins voter, et avec mon équipe, nous avons voulu, par cet intermédiaire, faire revenir les jeunes aux urnes. Alors. Nous avons reçu des messages de fans d'un parc d'attractions. C'est now. Alors d'abord, des messages des fans du Futuroscope auprès desquels je m'excuse. Parce que c'est vrai qu'on a fait des blagues sur le Futuroscope et que c'est un parc dans lequel je suis allé. Non. C'est reparti donc. Un point de montage là. Putain, pardon. Les Parisiens. Excuse-moi. Non, mais bon, moi je l'ai fait. Et il y a un petit charme. Moi je trouve qu'il y a un petit charme autour du Futuroscope. C'est pas très cher. C'est ce que je demandais moi pendant le Floodcast. Genre, je dis, il y a pas un petit charme un peu désuet? On m'a dit non, c'est de la merde. Oui, moi non, si, non, moi je trouve ça sympa. Je peux trouver ça moi, sympa. Moi j'irai. Je peux aller au Futuroscope. On y va. On fera écoutez, le Futuroscope, si vous faites. Vous nous invitez. Déjà, qui t'invite? Première question. Et si vous nous invitez à faire un Floodcast au Futuroscope, on le fait. On fait un vlog au Futuroscope où on teste le. Tu sais qu'ils ont normalement, je crois, un restaurant qui monte et tout, où t'as une table. Je dégueule, moi. Bah, non. Oui. Tu peux pas refuser les attractions. Mais est-ce qu'ils ont des plats vegan? Ah, peut-être. Est-ce que si c'est le futur, ouais, il est où le brocoli? C'est pas de brocoli, je dégage. C'est la bouffe du futur, putain, vous en avez pas. Non, mais c'est vrai que moi je me souviens de la Vienne dynamique avec Claude Pieplu et Un arbre qui parle. Ah, bah oui, non. C'est moderne. Ouais. Voilà, moi, Claude voilà. Pieplu qui est. Donc voilà, moi le Futuroscope, je tiens à m'excuser auprès d'eux. Toutefois, les fans du Futuroscope, du Puy du Fou, alors. On vous. Non, c'est pas ça. Je vais vous lire les messages que j'ai reçus. Ce petit côté pédant sur le Puy du Fou est à gerber. Alors, en même temps, ils font d'extrême droite, qu'est-ce que tu veux dire? Vous n'y avez pas mis les pieds depuis 10 ans, mais il faut chier dessus. C'est l'intelligentsia parisienne. C'est vraiment fou. C'est sûr, tu vas pas faire du grand 8, mais t'as des spectacles à couper le souffle. Bah, c'est vrai. Entre parenthèses, vraiment. Donc, alors, Audrey, d'abord. Alors, nous, attendez, je vais vous donner une grosse info sur moi et le Puy du Fou. Tu es d'extrême droite déjà. Je n'y suis jamais allée. Ah ben voilà. Voilà, je ben parle de quelque chose que je ne connais pas. Bien sûr. Mais ça a l'air génial, le Puy du Fou. Alors, pourquoi pas? Je tiens quand même après, à rappeler. Après, j'y suis jamais allée. Hein. Voilà. Donc déjà, c'est 60 balles l'entrée, si tu veux. C'est pas vrai. Ça, plus le spectacle, pour connaître l'histoire de la Vendée. Même pour les gamins Non, c'est moins cher pour les gamins. C'est moins cher pour les gamins. C'est 30 balles. Mais, et pour reprendre un terme de ton spectacle, admettons. Rappelons quand même que le Puy du Fou a été créé par Philippe de Villiers. Oui, voilà. Voilà, quelqu'un qui est bon vieux trop Philippe. Manif pour tous et qui expliquait dans Valeurs Actuelles, il y a moins de deux ans, qu'il voulait une France sans islam. Voilà. Donc, et qui c'est l'inventeur de la France, tu l'aimes ou tu la quittes. C'est exactement. C'est lui. C'est la belle Puy du Fou. Histoire de famille en fait. Très compliquée. Ouais. Ça et ouais. Ça et wesh, c'est les deux trucs qu'il a inventé, ouais. C'est quelqu'un qui a dit sur CNews il y a encore pas si longtemps, génération identitaire, moi je trouve qu'ils sont gonflés ces jeunes, je leur dis bravo, parce qu'il y a une rédaction. Et c'est bien. Mais déconne. Non, si, si, il a dit ça récemment. Donc, et, alors, si brûle de Villiers, j'y vais. En live. Je paye 60 balles. Aïe, aïe, il y a de la pyrotechnie hein, sur le Puy du Fou. Il se fait attaquer par trois aigles. Des faucons lui dévorent les yeux. Ah bah là, je viens. Là, d'accord. Le Puy du Fou, d'ailleurs, qui a lancé une école non mixte à base d'uniformes et de levées de drapeaux, où les élèves de 6e peuvent avoir trois initiations, à savoir une au combat, une au domaine équestre et une autre en ce qui de banderoles. Et une autre en ce qui concerne les cascades. Voilà. Oh sympa. Ah oui, donc attends. Ah oui, c'est une école. C'est une école. Pour bosser au privé. Classique. Mais, non, mais une école. Pas du tout faite pour bosser au Puy du Fou, mais bon, qui te pousse un petit peu au cul. Non, mais c'est genre post-pac, quoi. C'est un truc. Non, c'est la sixième. Hein. C'est une école privée. Ouais. Attends, mais attends, c'est une école privée où t'apprends des cascades. Voilà. Ça, mais ils forment des enfants à devenir figurants au Puy du Fou, quoi. Oui. Ah, il y a un peu de ça. C'est trop bizarre. Il y a un peu de ça. Mais c'est la Corée du Nord, en fait. Il y a un peu de ça. Oui, ça fait un peu Corée du Nord, c'est vrai. On va pas tout dire parce que déjà, le Puy du Fou attaque en justice extrêmement régulièrement. Ah ouais, merde. Ouais, il y a peut-être un truc où je vais biper, Adrien, je te le cache pas. Mais on en pense pas moins. Oui. Ah bon? Ah bah quoi? Non, attention. Alors là, Adrien n'a pas dit ça. Il a dit que si l'activité, l'attraction, c'était il se fait manger les yeux ou brûler, là, il veut bien payer son ticket. Vrai, ça n'a rien à voir. Ça veut dire qu'il est prêt à y aller? Oui, oui. Alors, déjà, je n'ai pas dit il faut qu'il meure, j'ai dit. Oui, non, c'est vrai. Si c'est l'attraction du commerce. Voilà, c'est vrai. Ah ouais. S'ils veulent faire venir toute une tranche de la population, c'est un spectacle qui pourrait offrir. C'est juste un feedback dans la boîte à idées. Non mais donc voilà, parce que j'ai été surpris à la manière des fans de Patrick Balkany de tomber sur des vrais fans du Puy du Fou où tu n'as pas le droit d'y toucher. C'est-à-dire qu'il y a une nana qui a fait un bouquin pour parler un peu des conditions et de plein de choses et elle s'est pris un petit procès dans la gueule de la part de Nicolas de Villiers, le fils de Philippe. Et bon voilà quoi. Donc la famille est très soudée autour de ce Puy du Fou. Pas toute la famille, mais oui. Mais la Vendée est très soudée, c'est une fierté régionale. Oui, mais c'est là où il y a un petit souci peut-être, c'est qu'ils oublient à un moment donné d'où vient cette histoire de Puy du Fou. Ouais. Parce que eux, qu'est-ce qu'ils voient? Qu'est-ce qu'ils voient, Florent aigles, Bernard? Des aigles, en fait. Des ils aigles. Voient des gens qui ont des petites étoiles dans leurs yeux. Mais c'est comme là, tu comme as dans là, la coloc, comme dans la coloc en fait. c'est la même chose. Il y a un arc-en-ciel au-dessus du Puy du Fou. C'est vrai, voilà. Je pense qu'en vrai, c'est des mises en scène qui sont assez grandes, qu'il n'y a pas de si grande mise en scène que ça en termes de spectacle. C'est vrai. Il y a pas Provins, non? Mais bon. Si, quel âge as-tu? C'est ma question. Si le mec est mort, il est chiant, loulou. Bah non, mais... La Provins, non, il y a un beau spectacle, la Provins. Pyrotechnie, j'avais vu, c'était sympa, ouais. Laser et tout, ça passait un bon moment. Ça n'existe plus. La mer de sable. C'est sympa, mais il n'y a pas de grand spectacle. Spécial Jean Gabin, j'ai aimé. Là, il y a des chevaux et tout. Non, non, mais c'est vrai. C'est pour ça que... Et du coup, c'est là, je pense, où les gens se mélangent. On peut saluer la mise en scène du spectacle. Voilà. Ça, on a le droit. Voilà. Mais... C'est tout, on s'arrête là. Non, mais je vous invite à lire que c'est quand même beaucoup d'écrits d'historiens qui, justement, trouvent que c'est là le problème. C'est-à-dire qu'il y a un côté un peu Disneyland pour mettre des idées un peu rétrogrades. Ce que je comprends pas avec le Puy du Fou, j'y suis jamais allé, je voulais plus dans le métro, etc. Meilleur parc d'attraction au monde, hein, je te rappelle. Apparemment. C'est basé sur un truc. Il y a quoi comme attraction par exemple? Mais il n'y a pas vraiment c'est des spectacles. Donc toute la journée est arrivée à 10h, il y a un spectacle. Il y a des chevaliers, ouais, et après, quoi? On fait la pause déj. Ah, mais non, qu'est-ce qui se passe? Il y a des chevaliers. Oui, il y a que, il y a les aigles et tout, je crois. Il y a les aigles, oui. C'est très mal vendu. Comme un proverbe. Il y a les chevaliers, puis il y a les aigles et tout, et puis à la fin, ça fait d'artifice. Bon. Comme le Futuroscope, si le Puy du Fou veut nous envoyer pour faire un vlog, attends, ce serait plus intéressant. Parce qu'il y a aussi tous les tweets du CM du Puy du Fou, où il est extrêmement énervé quand des gens tweetent parc de facho, ils font nous sommes profondément insultés par vos insinuations et vous insultez tous nos employés. Ah non, ils sont très chauds, le Puy du Fou. Tous nos employés 100% blancs sont outrés. Bon, écoutez, on touche à la fin de ce flot. Oh non, non. Mais le temps passe vite quand on s'amuse. Ouais, évidemment. C'est ça, c'est très... Allez, bisous. Non, j'ai dit aux auditeurs que vous étiez invités et ils ont pléthore de deux questions. C'est Audrey, oui. J'ai entendu dans quelques podcasts que tu étais allé jusqu'en master en psychologie. Et oui. Suis moi-même en licence, mais je ne pense pas continuer dans cette voie. Avec le recul, dans ta vie, qu'est-ce que ces études t'ont apporté? La sécurité, un métier que j'adore au départ, d'avoir appris plein de trucs et d'avoir rencontré des gens formidables. En fait, pardon, énormément, j'ai l'impression. Non, mais en vrai, ça doit être trop bien de savoir ça dans la vie. On n'a pas de mal à imaginer que ça peut servir dans la c'était vie. C'était super comme étude. Et aujourd'hui, des fois, ça te resserre un peu dans, en fait, après, c'est une façon de voir la vie que de vouloir écouter les gens. Donc, ça, déjà, tu ne l'apprends pas pendant tes études. Mais après, oui, il y a des trucs que j'avais appris qui me servent toujours aujourd'hui. Très stylé. Bam. Douli, comment es-tu arrivée au stand-up? Écoute, ça c'est une très bonne question ça. Non, mais j'ai toujours fait du théâtre et à un moment donné, j'habitais 11 ans en Espagne et j'avais envie de remonter sur scène vraiment. Ça me manquait parce que j'avais fait 1000 métiers que j'ai fait avec passion, hein, même Madame Pipi, tu pouvais manger dans mes chiottes. Hein. Lire l'avenir, lire l'avenir dans mes chiottes. Dans la jacque. Mais tu en parles d'ailleurs un peu, je crois, dans ton spectacle. T'en as parlé dans le podcast de Cémélia aussi. Madame Pipi, mais j'ai fait plein de métiers, mais je savais que c'était pas ça, quoi. Et du coup, je suis revenue en France exprès pour ça. J'ai juste un petit test, hein, j'ai fait un aller-retour. Et je me suis dit toute seule, ma bite et mon couteau, quoi, tu vois. Donc, du coup, t'es tout seul sur scène, t'as besoin de personne, ni d'un. Enfin, au début, en tout cas. Mmh. Donc, voilà. C'était, mais en plus, j'ai pas tellement de passion à faire chialer, donc, du coup, le rire, ouais, c'était plutôt. Ça t'intéressait plus. Ouais. À quand. Alors, non, pardon. Alors, c'est une question pour moi, je prends, parce que pourquoi pas. Ah bah oui, bien évidemment. Puisque quelqu'un qui est venu au Bataclan nous voir disait qu'il avait vu mon mini stand-up, et il y avait des compliments dans la question, donc merci beaucoup. Et me demande si j'avais envie d'en faire un plus long. Eh bien, écoutez, pas du tout. Non, fait. Moi, j'étais triste de ne pas venir à ce truc-là. J'étais très frustrée. Je sais, mais t'inquiète pas, c'est très gentil. Mais en même temps, c'était un peu stressant de t'inviter à la première fois qu'on t'invitait. On ne se connaissait pas tant que ça, directement sur scène. Oui, mais il y avait Baptiste et tout ça, donc c'était chouette. Mais j'étais très triste de ne pas venir. Bah, écoute, t'as fait un stand-up. En fait, non, je l'ai fait dans celui d'après, parce qu'on en a fait deux, des Bataclan. Et dans celui d'après, oui, j'ai fait un petit 5 minutes, je pense, 7 minutes. Et non, moi, j'ai kiffé, mais j'aime vraiment faire des très petits passage. Ouais. En fait, le côté stand-up, déjà, j'ai l'impression que je trouve le même plaisir là, ici, plus fort, parce qu'on rigole ensemble et qu'il y a plusieurs personnes et ça mitraille des blagues et moi, c'est tout ce que j'adore. Mais le côté stand-up, déjà, il y a beaucoup de stress avant pour un kiff très rapide. Les gens le savent. Une fois que quand tu es monté sur scène une fois, Ah, quand j'ai dégueulé. Oui, j'en ai parlé au Bataclan. Voilà, okay, bien sûr. Yes. Mais c'était pas du stand-up, ça. C'était, je devais jouer un sketch du Golden Show. Ah oui, c'est vrai. Et je devais sucer un mort sur scène. Ah, génial. Voilà. Et il y avait ni plus ni moins qu'Alexandre Astier sur scène, qui était quelqu'un que j'aimais dans la salle, pardon, qui était quelqu'un que j'aime beaucoup. Non, ça, pour le stand-up, j'étais quand même stressé parce que moi je fais pas ça, donc j'avais peur d'oublier mon texte. J'avais peur. Du coup, j'en ai joué d'ailleurs pour les gens qui étaient là, ils s'en souviennent. Mais j'aime bien le côté jouer. Des petits trucs, genre tester des idées, 7 minutes, 5 minutes, je trouve ça trop bien. Mais déjà, roder, je trouve ça très dur. Genre, rejouer. Ouais. Parce que moi, du coup, j'ai écrit le spectacle de Baptiste Le Caplain, qu'il était censé jouer en ce moment et qui est repoussé à fin décembre à Paris. Et toutes les dates sont en 2020, Inch'Allah. 2021, pardon, Inch'Allah. Et je vois, parce que du coup, on a rodé ensemble, où moi je suis dans la salle. D'ailleurs, on s'est vu chez Yacine il n'y a pas si longtemps. Et en fait, c'est dur parce que c'est tellement des fois la roulette russe sur les blagues, des qui sont vraiment auxquelles tu crois beaucoup qui marchent pas, celles qui marchent très bien et où tu dis ah bon, et voilà, donc tu essaies de voir comment tu peux tirer cette blague. Bon, bref, ouais. Tout ce truc-là, je trouve ça fascinant, mais en tant qu'auteur, je trouve que se prendre les trucs dans la gueule, c'est vraiment, c'est de la boxe, quoi. Faut vraiment savoir les prendre, réattaquer derrière tout ça. Et ça, ça ne me passionne pas. Je trouve ça très dur. Et je trouve qu'il y a des. Et en plus, je trouve que pour un gars comme moi, le marché est un peu saturé. Voilà, il n'y a pas besoin d'autres gars comme moi. Il y a de la place pour tout le monde, car tout le monde est différent. Oui. Tu es unique, oui, c'est vrai. Gentil, Audrey. C'est un peu unique aussi. C'est oui. Gentil. Mais en vrai, beaucoup de gens dans mon style, quand même. Donc, tout voilà. Le monde non, mais... a aussi. Mais je prends beaucoup de plaisir à écrire pour Baptiste. Et voilà, j'espère quand il pourra rejouer que vous irez voir son spectacle. Parce que bizarrement, il y a beaucoup évidemment. De moi aussi. Eh oui. C'est le spectacle de Baptiste. C'est vraiment sa vie. Mais il parle de thèmes dans lesquels je me suis régalé à écrire. Et voilà, on avait testé chez Yacine la première fois. Tu bailles, Adrien, ouais, c'était chouette. Tu veux lire la mienne hein. Tac tac. Même fatigué. Ça voilà, fuse. Ça. Bah Adri tac tac hein, qui est le nom de son spectacle. Adri tac tac. Bien sûr. Et Audrey, toi, ça t'intéresserait la scène? Oui. T'aimerais en faire? Oui, beaucoup. Et pas là pour le moment, non. Bah voilà. Ouais. Non mais non, t'as si, un stress, un jour, tu ouais. Oui, j'ai très peur, mais j'ai très peur de faire globalement. Alors c'est ouais. Pas que la scène. Hein, on moi. Se rappelle de ce bonus air pipi de 2016, quoi, tu vois. C'est une trouille de fer. Donc je trouve ça très courageux les gens qui montent sur scène et tout. Je trouve ça admirable. Et d'ailleurs, alors j'ai très peur de dire une ânerie, mais je suis sûre que c'est toi que j'ai vu en première partie à l'Olympia de Jean-Philippe Janssen. Oui. Et ah, t'étais là. Extrêmement drôle. Oh, merci, voilà, ma belle. Arrête, je vais. je vais devenir fébrile. Allez la voir. Bah, merci. Et oui, tu reprends en septembre si ouais. Tout se passe bien. Ouais, septembre, ouais, au point virgule, c'est bien. Ça ouais, au point virgule, les dimanches et lundis à 21h. C'est un spectacle qui ne se voit pas avant 21h en fait. Oui, c'est même moi, je n'ai pas envie de parler de ces thèmes-là avant 21h. T'as eu c'est des moments où il y a des gens dans la salle où tu fais ah, trop jeune. Ah oui, oui, non, non, mais j'ai interdit ce spectacle au moins de 16 ans, mais même pas pour le contenu. Ouais, ouais, même pas pour le contenu spécialement choquant, mais en fait, si t'as pas vécu, bah, tout le monde va se faire chier en fait. Je vais me faire chier, tu vas te faire chier. Enfin, il faut ouais. avoir un minimum vécu la vie, quoi. Parce que moi, ouais. Je t'avais découvert, mais d'ailleurs avec Adrien, je crois, où t'étais en tout cas dans le gala Montreux de McFly et Carlito. Ah oui. Et ah, ça putain. Va, c'était pas trop des jeunes à ce moment-là. C'était. Parce que ça avait non, bien marché ai, en tout cas. Bah, j'en ai chié ce jour-là parce que moi, j'avais vraiment fini d'écrire ce texte la veille et c'est un petit peu ma spécialité à Montreux. Je finis d'écrire l'année dernière, j'ai testé des trucs sur les équipes techniques. J'allais voir les régisseurs et tout ça, les mecs dans les bureaux. Je disais, les gars, bon, il y a une spéciale à 16h, je fais une représentation dans les bureaux. Et donc, à chaque fois, je me mets cette pression dégueulasse parce que finalement, j'ai testé des vannes devant 1700 personnes. Et c'est très très perturbant. Donc, mais malgré tout, c'est vrai que ça a quand même. Je pense qu'il y avait moitié Montreux, donc public un peu plus âgé, ouais. Et moitié McFly et Carlito. Voilà. qui ont été des amours. Donc du coup, ça a fait tampon quoi. Mais ouais, ça avait pas mal pris ouais. Ah, c'est trop cool, il est trop ouais. Bien ce sketch. Alors, une question pour Adrien Méniel. Je te suis sur Twitch. Et tu okay. Excelles dans le Twitch game en termes de jeux vidéo. C'est toi qui dis non, ça. Non, non, là, je reprends un peu oui, la question qui n'est pas oui. Très bien formulée. Okay. Wow. As-tu déjà pensé, eu envie d'écrire un jeu vidéo? Mais je me demande si j'ai pas déjà répondu oui, à la question. Oui, mais c'était dans ouais, un ouais, vieux. Ouais. Bah, si, bien sûr, ça fait partie. J'ai perdu cette liste, mais à une époque, j'avais fait une liste des trucs que je voulais faire. Avant de mourir, il y avait faire un jeu vidéo. Effectivement, j'aimerais bien. Et t'as des idées ou tu t'y es pas penché? Non, j'ai pas d'idées. Est-ce qu'il y a deux Villiers sur un bûcher? Ça aussi, effectivement. Aller au cul du fou, voir les dernières heures de deux Villiers. Ça pourrait être une idée de jeu d'ailleurs. Je crois qu'il y a un jeu vidéo cul du fou. C'est vrai. Ouais. Ouais. Ton regard sur le c'est vrai était terrible. Mon projet qui il y a un jeu vidéo Fort Boyard, ça je sais, mais je sais pas ouais. Si y a un jeu vidéo Puy du Fou. Non ouais, j'aimerais bien. Bon, j'aimerais bien. On saura quoi t'offrir à Noël. Guillaume, comment s'est passé ces vidéos duo de pépère pendant le confinement? Est-ce que ce sont les invités, Laura Felpin, Jenny, etc., qui sont venus vers toi ou leur as-tu demandé? Mais figure-toi qu'en effet, ils sont venus vers moi. Bon alors, ça va la star là, courtisée là? Non, en fait, j'ai fait une vidéo avec JB, évidemment, mon acolyte de Tels from the Click, et après, je sais pas, les gens ont trouvé ça marrant. Alors, Laura, elle m'a dit, putain, mais c'est trop bien, je veux le faire. Jenny, pareil, Valentin, pareil, McFly, Carlito, pareil. Yvick, pareil, le seul à qui j'ai demandé, c'était Jérôme. Okay. Parce que je le connais, quoi. Puis je trouvais ça cool. Mais c'est cool parce que je pense que c'est un peu une soupape pour se baver dessus et pas le faire sur sa propre page. C'est ça. Mais c'est genre, moi, là, je peux être dégueulasse. Valentin a trop donné. Moi, je pense qu'on peut. Alors, alors, Valentin, en gros, il y a plein de gens qui m'ont dit je peux pas la finir, j'y arrive pas. Ça dure une minute, tu vois. Et en plus, c'est la seule où il y a une chute. Mais j'ai, moi, j'ai une pas vraie pu. Chute. Moi, j'ai pas pu. Voilà, finir, voilà, mais t'as pas la chute du coup de la blague. Et quand il après, je m'en passais très bien sur les autres. Franchement, quand il a mis la photo issu de cette vidéo sur sa propre page, il a perdu 700 abonnés, il l'a retiré. Ah ouais. Ouais, yes. C'est vous dire le niveau de dégueulasse de cette vidéo. Ouais, bon après moi j'ai coupé des trucs. Hein. Et pourtant, il m'a vraiment envoyé des trucs. J'étais quand je l'ai monté, j'étais. Pourtant des photos où il est dégueulasse, il en poste pas mal déjà. Il adore ça. Il adore ça. Ouais. Génial. Mais comme quoi, du coup, un conseil aux gens qui veulent réussir, il faut réclamer. Si vous voulez faire des participer à des projets, réclamez, et ça fonctionne. T'inquiète pas, qu'il le faisait déjà pas mal. une question pour... Alors attendez, excusez-moi, c'est le bordel dans mes notes. Oh. Adrien, que penserais-tu de faire un film sur un chien qui gravit les échelons de la pègre canine et qui s'appellerait tout bonnement Les Affranquis? Bah oui, bah excuse-moi, la c'est question des... se pose. C'est des... Bah oui, bah la blague est faite. Voilà. Francky, c'est mon chien en fait. Okay. J'ai une question un peu philosophique pour chacun autour de la table. Alors je vous préviens, c'est philosophique. Okay. Ça m'intéresserait que vos invités nous parlent d'un moment où ils ont été fiers d'eux pendant ces derniers mois, du genre... Merde. Du genre, ah cool, je peux être plus mature dans telle ou telle situation. Ah ouais, non, mais c'est... Oh, la vache. On est passé très vite ça du jeu de mots avec la vie. Ça n'arrive jamais. Ouais. J'ai zéro exemple. Mathieu, quoi? Ouais, tu vois. J'ai mis 4-0 à FIFA. Par ça, quoi. Non, mais est-ce que tu t'en rends compte vraiment de ces trucs-là? Moi, je suis pas certain. Hein. Non, je pense que c'est à une tierce personne. Donc, je propose d'appeler un cousin ou un ami proche pour qu'il en parle à notre place. Non, mais moi, j'ai un truc où j'en avais déjà parlé dans une story, je crois. Mais où je suis fier d'un truc et j'ai. Immédiatement après, j'ai honte d'avoir été fier de ça parce que c'est ouais, nul, parce tu vois. C'est genre, tu c'est genre normal. Pas être fier ouais, voilà, de c'est ça. Ça. Ouais, ouais, et du coup, tu sais, c'est genre, genre, je passe à côté d'un truc qui traîne par terre et au lieu de passer à côté, tu sais, je le ramasse, je le range, puis je dis, ah, ça, c'est bien. Ouais, c'est, ouais. Tu vois, après, je fais, mais t'as presque 40. À l'époque, j'avais presque 40 ans. Je disais, maintenant, ça y est. Bah, c'est vrai. Disais, putain, t'es fier de ça, pauvre merde. Oui, mais c'est comme quand t'achètes un paquet de granola. Tu fais, ouais, super. Bah, non, pas oui, super. Ouais, c'est ouais. Normal. Du coup, t'annules tout. Si t'es fier de toi en faisant une bonne action, c'est vrai tu dis, que bah. Ça fait un peu ça. Ouais. Je l'ai fait ouais. Pour moi, terminé. Ouais, ouais. Bah, et puis, moi, l'autre truc aussi, c'est de me dire. Enfin, moi, le moindre truc que je fais dans ma journée, par exemple, où j'ai fait un truc dans ma journée, je peux ne rien faire derrière en disant je suis content. Bon, répondre à un mail, après je fais j'ai bossé aujourd'hui. Ouais, ça va. Mais moi, c'est vraiment genre, bah là, j'ai fait quand même passer la spie quand même. J'ai passé la spie, donc techniquement, j'ai pas besoin de bosser. À la question, qu'as-tu fait aujourd'hui, je peux répondre quelque chose. C'est bon. Et c'est dans l'œil de l'autre. Quand elle te raconte la journée que tu fais, bah moi, j'ai passé la spie là aujourd'hui. Pardon, la fin, mais c'est tout. C'est un peu de ça, pas mal. Hein. Guillaume, comment donc fais-tu? On a bien foiré sa question, mais oh. Personne ne s'apprécie. Oui, personne n'est fier de soi. Et ouais. Puis ça vous donne un peu le ton pour les prochaines questions. Soyez pas trop philosophique, on n'est pas bon à ça. Guillaume, comment fais-tu pour trouver à chaque fois des chansons aussi beaufs et déprimantes dans tes stories? Bonne question. Bah attends, c'est un DJ ce mec. Ouais, je suis DJ quoi. Alors, DJ Guillaume. Très belle casquette. Je prenais un peu cette sortie là pour t'amener là-dessus. Non, mais après les cultures on sait chansons pas d'ailleurs françaises. Si, pardon, ta casquette des CM2, ils te l'ont rendue ou pas? C'est celle qui a sorti. C'est celle-ci. Ouais. Oui, voilà. Okay, non, pardon, parce que. Il y a une vanne sur ma casquette. Non, mais ça va. C'est pas une vanne. Il me l'avait rendue parce que je l'avais menacé à la fin. J'avais menacé le chef. Je lui ai dit, je vais t'attendre à la sortie. Il était avec. J'ai 9 ans en fait. Ouais. Le chef de la bande. Et j'en ai 27. Donc tu me rends ma casquette en fait, ok. La fin de l'histoire nous aurait manqué. T'en es à DJ Guillaume. Non mais voilà, non mais pas du tout. Mais la culture musicale, c'est parce que voilà, j'adore la musique depuis super longtemps. J'ai été musicien, j'ai été DJ, je suis toujours DJ. Batteur et j'anime des exactement, batteur de chansons françaises. Ah voilà, faut le dire. Et du coup, j'anime un blind test tous les week-ends avec ma femme au divan du monde. Oh, génial. C'est placé, c'est placé. Un blind test chansons françaises, donc mais je. Mais c'est génial. Et je connais les tubes de Bigard et de Jean-Luc Reichmann, Ragababa en 1995. Ragababa, évidemment. Par exemple. Ragababa, putain, non mais après toute la culture, je pense qu'ils font référence. Qui va être repris par le maire d'Autun d'ailleurs. Imminemment. Toutes les stories accordéon, ça vient du fait que je vais en Creuse depuis que je suis petit. Et du coup, tous les bals musettes, etc., j'ai vécu un peu là-dedans. Et du coup, voilà, j'ai retenu des chansons, quoi. Oh là là. Voilà. Voilà. Ah, ça vend des rêves. Je pensais pas que ça venait d'une expérience personnelle, quoi. Je pensais que c'était un truc que tu avais cherché. Non, non, mais après, il y a un truc de l'accordéon. Genre, par exemple, avec JB, si je peux vous donner un petit secret de fabrication, à chaque fois qu'on fait Video Store, ensuite, on va chez moi. On commande à manger et on se met devant 1, 2, 3 musettes. C'est une émission qui passe. Génial! Qui passe sur, et on regarde 1, 2, 3 musettes et ça nous régale. Et c'est un peu mal produit, c'est fake. Ça passe où, 1, 2, 3 musettes? C'est sur les. Sur Trace TV. Quand t'es sur Free, il y a un moment où t'arrives et il y a toutes les chaînes en petits carrés comme ça. Ouais. C'est toutes les chaînes régionales. Et en fait, le programme, il est vendu dans plusieurs chaînes. Donc souvent, tu regardes, il y a toujours une petite miniature avec un accordéon, t'es là, pop! Et c'est 1, 2, 3 musettes. Mais alors, moi, j'ai un truc comme ça avec une. Je sais pas si vous connaissez cette chaîne, Télé Bocal. Vous connaissez pas ce genre de choses, c'est pas un truc. Une chaîne ultra associative où tout semble filmé en 2002. Alors, il y a des trucs très vieux, mais il y a des trucs très récents. J'ai été très choqué. Il y a vraiment. Je comprends même pas où est-ce qu'ils trouvent leur caméscope. Un iPhone filme en HD. C'est hyper vieux cette chaîne. C'est très très vieux. Ça continue d'exister. Et là, je suis tombé. Ouais, ils étaient. Alors, c'était pas Black Lives Matter, mais c'était sur un truc sur le travail et tout, mais qui date d'il y a quelques semaines. Et c'est avec la pire qualité d'image et tout. C'est génial, j'adore. Les locales, et ils vont, c'est dans des micro-trottoirs et ils tombent sur des gens un peu particuliers. Bah, souvent, c'est les Parisiens qui hurlent seuls dans la rue et voilà, des trucs comme ça. Et c'est très intéressant. Moi, j'adore et un peu stressant. L'homme du Picardie, vous connaissez bien sûr. Tu connais? Oui, bah évidemment. Oui, oui. Ah putain. Enfin, non, tu sais que j'ai découvert, moi en tant qu'insomniaque avéré, j'ai découvert, j'ai un ami de Compiègne d'ailleurs qui m'a parlé de l'homme du Picardie, mais c'est magnifique. Il ne se passe rien, mais rien. Le Picardie, c'est un bateau, c'est ça? Ouais. Et donc, ils vont d'une écluse à une autre et c'est tout. Et là, t'es en attente de savoir à quelle écluse ils vont arriver, mais rien. C'est-à-dire que vraiment, un déjeuner, ça peut faire l'épisode entier, quoi. Et ils sont trois au déjeuner, quoi. C'est très lent. Ils sont vus hier, donc ils ont pas grand-chose à dire. Le max de l'action, c'est que la fille s'échappe pour aller en boîte de nuit, quoi. Mais ça, c'est vraiment genre sur 10 épisodes, quoi. Et tu regardes, en fait. Regardez-le. Toi, tu regardes, vraiment, mais ça t'endort. Mais c'est oui, magique. Oui, mais c'est moi je respecte les gens qui arrivent à tenir ça parce que c'est dur de tenir ça. Parce que même dedans, parce que plus belle la vie, au bout d'un moment ils ont cédé à des prises d'otages, des extraterrestres qui arrivent sur Terre. Enfin, tu vois, même, quand tu même Fort Boyard, c'est pas drôle du coup. Il y a eu des extraterrestres dans Plus belle la vie. Ouais, des extraterrestres. Sérieux? Ah ouais, non, vraiment, il y a eu un épisode. J'ai plus le nom, excuse-moi. Ah mais là tu décroches quoi. Ouais. Oh bah d'un coup tu crois plus. Ah j'ai décroché. Ah j'ai décroché. Mais il y a une tendresse, pour ce genre de truc un peu. Pour lui la brocante, pour ces trucs-là. Mais j'adore. Ça te met dans une espèce d'ambiance où tu sais qu'il va rien se passer, tu n'as aucune attente. Du coup, tu t'endors paisiblement, quoi. Ouais, exactement. Moi, j'ai ça aussi des fois avec des films que j'aurais pas regardé de prime abord sur OCS et je mets ça en fond. Et... Ouais, ouais. Quand je monte les floodcasts, beaucoup de films pas ouf en fond. Ouais, enfin, ça, j'adore ça. Doulige, donc tu fais de la scène. La question te demande si tu as envie d'aller au cinéma ou à la télévision dans des projets à toi ou d'autres. Ah oui, mais tu sais qu'on me propose beaucoup de rôles, notamment de prostituée. Et ça, c'est toujours... non, mais vraiment, hein, c'est très, très grave. Et depuis mes 17 ans, quoi. C'est-à-dire que j'ai... Bon, là, peut-être après vieille pute, on va me proposer. Mais tu sais que les directeurs de casting, ils m'appellent maintenant mort de rire. Ils me disent, Edouli, tu veux pas deviner quoi? On te fait un rôle de pute, mais c'est toi, une pute qui parle. La chance. Oh, et oui, j'avais tu racontais sur scène que t'avais figuré. Ouais, et j'ai reçu un rôle. Je crois que c'était pour Engrenage où le mec il m'envoie le rôle et il y avait donc le nom du rôle, Junkie 30 ans. Alors là ça va encore. Junkie 30 ans abîmé. Ah. Et donc là ma question, est-ce que vous avez l'intention de m'abîmer avec du maquillage ou est-ce que vous partez du principe que tout est nickel? La vache. Non, c'est très violent. C'est dur. Et quelle était la réponse? Ah bah non, mais finalement ils m'ont pas pris et du coup je l'ai bien pris, tu vois. Oui, bah oui. Je l'ai bien pris qui m'est pas pris, vraiment. Mais moi c'est souvent dans les films, alors généralement c'est des films pas très fins où il y a clairement par exemple quelqu'un qui est moche et qui est clairement son rôle c'est le mec moche. Ouais. Comment je m'imagine toujours la personne qui accepte le casting, quoi. Oui, genre on cherche un moche, ouais, moi. Ouais. Moi, je le fais sans problème. Je suis, et là, je suis reçu un autre rôle où, je suis en train de parler à quelqu'un et je parle d'un concert dans lequel j'étais censée être. Et donc, je dis 14 avril 74, concert des Cannibals, machin. Et j'appelle le mec, je lui dis donc, en fait, tu sous-entends donc qu'en avril 74, j'étais physiquement capable d'aller seul à un concert. Donc, on est sur une moyenne de 65 ans. Oui, mais elle n'a pas d'âge, elle n'a pas si. Là, elle en a un. Là, je te dis. Il y a une date. Il y a une date. Elle a donc un âge. Oui, mais son troisième mari était chirurgien esthétique. Donc, ça sent pire, en fait. Oh, parce que, genre, c'est-à-dire qu'en plus, t'as une gueule de botox. C'était là, waouh. Génial. Putain. Ouais. Les castings, c'est toujours un peu une folie, hein, de toute façon. Ouais. T'as déjà fait, toi, des castings, André, bien sûr. Ouais. Ça s'est plutôt bien passé. Bah maintenant je le vis bien, mais au départ c'est terrible quoi. C'est terrible, ouais. C'est vraiment humiliant, un peu humiliant. Parce qu'en plus pour les, tu vois, une fois par exemple j'ai passé un casting pour un film avec Thierry Lhermitte et je devais faire le rôle de la belle fille. Où, mais c'est, on a, j'ai passé aussi. Toi aussi t'as vu ça. Avec Michel Larocque. Ouais exact. Ouais, j'ai deux castings pour celui-là. Et c'est terrible. Donc je suis pas dedans hein, si vous voulez. Donc un pour le rôle de Michel Larocque aussi. Cela dit, voilà, c'est ça. J'étais dans une pièce du coup blanche. Parce que quand on passe les castings, souvent c'est il y a pas de fin, c'est un fond blanc, tout est très neutre. Et elle disait, donc là tu rentres dans un appartement et genre il y a plein de bibelots et tu découvres tout. Et il faut qu'on voit sur ton visage que tu découvres tout. Ouais. Et moi j'ai un imaginaire certes, mais là je suis en fait moi, Audrey, j'ai chaud, je suis dans un endroit, je suis stressée. C'était texte, dans le 20e. C'était vers Bastille. Ah ouais, non, bah, putain, ils ont eu trois lieux différents. Donc, ouais, bah moi, c'était le tout début, j'ai été pas prise très vite. Hein. Et vraiment, et tu vois, et tu sais, c'est limite si. Ah non, ah si, j'ai une meilleure histoire. Un jour, ah si, celle-ci, elle est folle. Parce que celle-ci, ça a été très compliqué de pas rire devant la dame. Parce qu'elles sont très sérieuses, ou ils sont très sérieux. Et en fait, je passe un casting pour. Une série qui n'est jamais sortie sur TF1 où en fait la femme est en fait un robot. Pardon. Attendez. On dirait une série de Joey dans Friends quoi. Et en fait la dame me dit bon donc évidemment donc en fait t'es humaine mais t'es un robot donc t'es une humanoïde, d'accord. Donc je suis dit j'adore ouais, le seriousness quoi. Ouais non mais c'est tellement et c'est ça qui est terrible quoi. Ouais. Et elle me dit donc évidemment tu parles normalement, enfin voilà, tu fais la scène. Ah oui, Audrey, on ne fait pas les bruits de quand tu bouges ou tu t'assois. Et là j'ai eu vraiment ce moment de Et oui, évidemment, ça ne me serait pas venu à l'idée, mais elle m'a regardée genre, les autres l'ont fait. Ouais. Elles l'ont toutes fait pour là, qu'elle le dise. Dit, ah merde, oh, j'avais travaillé mes bruits. Je m'imaginais m'asseoir en faisant. Oui, bonjour, bienvenue. Non, ça n'allait pas. Ça fait, excusez-moi, est-ce que je peux faire bip bip? Non, même pas. tant pis. Ça, c'était fou. Mais c'est génial parce que là, du coup, ils te disent, donc t'es un robot, mais tu parles normalement, tu bouges normalement, tu ne fais pas de bruit. Bon, en fait, c'est une femme. Ouais, en fait, dans la série, à la fin, on apprenait genre que c'était un robot, tu vois. Oh, à la twist. Fin. Ouais, en fait, on ouais, sent. Mais à la base, du coup, il n'y a pas d'histoire particulière. Le seul truc original, c'est genre à la fin. Du coup, reste-toi. Et ce qui est très surprenant, c'est que la série, c'est les bracelets rouges. C'est avec les enfants malades. Attendez de voir la dernière saison. C'est un village français. Bah écoutez, on fait un dernier tout petit tour de table. J'ai oublié de vous prévenir avant, j'ai foiré. C'est les recommandations culturelles. S'il y a un truc que vous avez apprécié récemment culturellement, que ça peut être cinéma, théâtre, littérature, jeux vidéo, podcast, même art de rue, gloire à l'art de gloire rue. À l'art de rue, ouais, bien sûr. Ambiance scandale, danse de vandale. Voilà, quelque chose que vous avez apprécié. Je vais commencer pour vous laisser un petit peu de temps parce que c'est vrai que je vous ai pas prévenu. Ah bah vas-y alors, Adrien, vas-y. Non, moi c'est un truc, une appli qui s'appelle Seek, S-E-E-K. Et j'avais déjà testé les applis où en fait tu prends une photo d'une plante et c'est censé te dire quelle plante c'est. Ah oui. Ça marche rarement bien. Et celle-là elle est vraiment vraiment bien. Et ça marche sur les plantes, ça marche sur les insectes, les animaux. Les arbres ? Ouais, bah moi j'ai. Oui, je pense, ouais. Enfin, tous les organismes vivants, quoi, a priori. Et ça c'est Michel, c'est un connard. Ah, je l'ai fait. J'ai pris un selfie, il y a marqué humain. Donc, drôle. Et oui, et un truc qui est drôle aussi, c'était que j'ai sur dans Groom, on est déguisé en fleurs à un moment, et j'avais une photo de Jérôme Niel déguisé en fleurs. J'ai soumis la photo à l'appli. Ils ont dit ah, nous pensons que, parce que des fois ils disent pas l'espèce, mais ils disent de quelle famille c'est. Okay. Et donc ils ont quand même détecté que c'était une fleur. Ils ont dit ah, on pense que c'est telle fleur, alors que c'était Jérôme Niel. Donc c'était drôle. C'est mais ça marche. Beau boulot de Mélo, on peut le dire hein, quand ouais, même. Elle a dupé le. Non, et ça marche vraiment bien. Soit ça te détecte directement l'espèce, genre c'est telle fleur ou tel truc. Soit ça te dit, on trop pense bien. Que ça fait partie de tel ordre, etc. Telle fleur de clic ou pas. Telle son, oui, bien telle sûr. Fleur de clic. Oui, oh, c'est pour toi là-bas. Et oui. Ensuite, t'as les, et tu peux cliquer, il te donne, t'as plusieurs espèces qui sont possiblement proches de celle-là, et des fois tu trouves. Enfin, c'est vachement bien. Voilà, et je trouve ça trop bien. Du coup, quand je me balade, je détecte. Ah, c'est trop bien. C'est fou que t'en parles parce que j'ai un arbre. Je n'arrive pas à savoir quel arbre c'est, et grâce à toi, Adrien, bah voilà. Je vais pouvoir savoir quel arbre. Gloire à l'arbre de rue. Oh oui, bah oui. Oh ouais. Bah, c'est évident que oui. C'est ouais. Dingue. Évidemment que oui. Bah tu me bah, diras. Ouais, je t'envoie. J'attends un, avec impatience. Je t'enverrai un SMS. Moi, j'ai lu les cahiers d'Esther, le dernier de Riyad Satouf. Et c'est vachement bien, toujours aussi bien. Donc, je sais pas s'il y a eu plein de volumes avant. L'idée, c'est Riyad Satouf qui traîne. Alors, lui, il dit que c'est une adolescente qui connaît, enfin, qui était d'abord une enfant qui a grandi et tout. Moi, je pense que c'est plusieurs mélangés. Enfin, tu vois, que c'est des enfants d'amis ou je sais pas quoi. Il invente du tout au tout. Ou potentiellement, il invente absolument tout. Parce qu'il est effectivement très fort. Et donc, c'est le dernier volume. Je crois que c'est les 14 ans ou les 15 ans, je sais plus exactement. Mais c'est vachement bien, c'est très drôle, c'est très bien écrit, les dialogues sont vraiment ouf. T'as dit que ça s'appelait comment ? Ça s'appelle Les Cahiers d'Esther. Ok. Voilà, tout simplement. Et aussi, même si j'ai l'impression de conseiller ces BD à chaque numéro. Fab Caro. Mais ouais, Fab Caro, le dernier Open Bar qui en gros. Alors je crois. Hein, que c'est un recueil de la page qu'il fait à chaque fois chez les Inrock ou chez Télérama. Ah. Rien n'est vérifié hein, dans ce que je dis. Mais en tout cas, Open Bar, où c'est une page, un gag, et c'est très très drôle. Donc voilà. Le 8e album qui sort ce mois-ci de Fab Caro. Ouais, voilà, c'est ça. Mais quand on est très gourmand de Fab Caro comme moi, je suis très content parce que vraiment c'est très très marrant. Et voilà, tout simplement, je crois que c'est 12 balles, un truc comme ça. Okay, cool. Tout bonnement. Guillaume Et ben moi. Là, je suis en train de me creuser la tête, je vous écoutais pas du tout. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Bon, j'ai fini tous The Office pendant le confinement. Mais ah ça, bah, c'est pas oui, un conseil. Mais si, c'est un conseil. C'est pas un conseil. J'ai entamé Space Force, la nouvelle série de Steve Carell. Alors, les gens critiquent beaucoup, tu vois. Voilà, alors, au troisième épisode, j'ai dit, oh, je me fais chier. Non, mais ça a l'air, ouais. On se fait un peu chier. Non, mais moi, la bande-annonce, déjà, je trouvais que c'était pas drôle, quoi. Donc, voilà. Ben, je suis en train de m'attacher, j'en suis au cinquième. Je suis en train de me dire, ouais, quand même, ça vaut le coup. Et sinon, rien à voir, et c'est pas du tout actuel, mais je vous conseille un humoriste que j'adore et j'ai pas l'occasion de parler, donc j'en parle maintenant. Bigard. Il s'appelle Bigard. Et votez pour lui. Non, pas du tout, j'allais parler de Boudère en fait. Non, pas du tout. J'allais parler de Mark Forward. Je sais pas si vous voyez qui c'est. Non. Un humoriste canadien. Ouais, on en a parlé beaucoup. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que c'est drôle, Mark ouais. Forward. Mark Forward. Et okay. En fait, pendant le confinement, il a mis ses spectacles en gratos sur internet. Et vraiment, c'est genre. Ça fait genre 1200 vues, tu vois, c'est triste. Alors que c'est ouais. Brillantissime. Ah ouais. Très très drôle. Et il a une série dont j'ai oublié le nom. Donc voilà. Bon, googlisez Mark, ouais, Forward. Mark Forward. Mais ça peut être, tu sais, les rocos, ça peut être des vieux trucs, on s'en fout. Hein. Exactement. Voilà. Mark Forward, allez voir ça, je m'en régale. Il a notamment un sketch avec un truc qui s'appelle Rack of Fancy Hat. Je trouve ça brillant. Voilà. Donc, partons de précision, c'est en anglais. Oui, c'est en anglais. Voilà. Non, mais ce qu'on pourrait dire Canada, oui, Québec. Non, voilà. Ah oui, c'est pas, il y a pas sur Netflix et tout, faut vraiment creuser. Non, quoi. Non, faut creuser, ouais, faut aller voir sur YouTube. Okay. Mark Forward, il y a plein de sketchs, mais c'est en fait, ça fait longtemps qu'il est là, tu vois, mais ouais. Il y a pas ici, pas du tout, personne connaît. Et en fait, je sais pas comment je suis tombé dessus, mais j'ai trouvé ça vraiment très, très, très drôle. D'accord, bah on regardera. Voilà, ben bah, voilà. Douli, allez-y. Alors, oui, qu'est-ce que je vais vous dire moi ? Moi, j'ai lu La méthode simple pour arrêter de fumer. Oui. D'Alain Carr. Ouais. Et bon, alors, ça a pas mal marché parce que, enfin, non, pas du tout, ça n'a pas marché du tout. Oui, tout à fait. Vous m'avez fait fumer. Enfin, je veux pas. Oui, mais je suis passée de la normale à la clope roulée. Ah. Et ça, c'est déjà quand même un gros cap. Tout à fait. Il dit deux pages avant, relisez-le si c'est pas complètement convaincant. Donc il faut que je passe cette étape de relecture. Mais je te jure que vraiment pour moi d'être passé à la roulée, déjà c'est déjà une grosse étape. Parce qu'il dit qu'il faut mieux fumer des roulées. Non, pas du tout. Non, mais c'est une information débile. Non, sinon qu'est-ce que je pourrais vous conseiller? Je suis en train de lire, mais du coup, François Villon, c'est l'histoire de François Villon, le poète qui était un saltimbanque complètement fumé de la tête. Et bon, lui, il est quand même saltimbanque plus, hein. Il a buté des gens. Et tout. Mais il était au plus du fou, il bossait au plus du fou. Ouais, je crois qu'on disait c'est un mec au Moyen Âge et tout ça, donc c'est un peu la vie d'une saltimbanque au Moyen Âge. Et du coup, ça a l'air assez pas sympa, quoi. Ouais. Et sinon, en musique, j'ai fait l'album de Run the Jewel. Ah oui, très bien, bravo. Ah. Ouais. Dernier album, très bon album. Ah, je suis dégoûté parce que je devais les voir, puisqu'ils passaient à Rock en scène avec Rage Against the Machine. Ils devaient pas Rage Against the Machine, putain, mais ça allait être fou. Bah ouais, fou. J'avais les places. Allez, deux coup, là. Ça dégage tout bonnement. Mmh. Mais bon, c'est. Mais ça n'est que partie remise. Même si, voilà, j'y crois peu. Alors, Audrey Pirot. Mais en fait, j'ai pas. Ça va, vous? Non, ouais. Pas en panique. Tu fais une petite crise de panique? En fait, non. Alors, parce que j'ai rien pu regarder pendant les trois derniers mois. Je n'arrivais pas à me concentrer. Je n'ai rien pu lire parce que je n'arrivais pas à me concentrer. D'accord. Mais il y a des trucs que je voulais voir. Je sais que Florian Dorin a sorti des choses et j'ai envie de voir ce que c'est. Florian Dorin. Mais oui. J'ai dit quoi? Florian. C'est pas grave. Oh, c'est pas vrai. C'est pas... T'as dit Florian Le Pen. Mais c'est bon. Florent Dorin. Oui, mais c'est pas grave. Ça fait deux heures qu'on parle, c'est normal. Merde, je m'énerve, je veux pas m'énerver. Donc, non, voilà, de voir en fait les choses qu'ont sorti les copains récemment. Enfin, les copains et aussi. Mais c'est vachement bien en les plus. Les gens qui travaillent sur Internet. Dit Groom, sinon. Dit Groom, bien sûr, mais évidemment, Groom, mais ça, évidemment. On n'en parle jamais en plus dans le podcast. Ouais, évidemment, Groom, bien sûr. Mais ça coule de source. j'ai vu, mais vous, tout le monde l'a déjà vu, t'inquiète. Je suis sûre. La vidéo de Balkany qui danse. Ouais. Le reportage sur Sixto Rodriguez, tout le monde l'a vu. Non, je ne sais pas de quoi tu parles. Okay. Okay. Mais dans quelle bulle tu impossible. Vis c'est la bulle filtrante. Non, je ne sais même pas de quoi tu parles. Okay. Le film Rodriguez, quoi. Sur Rodriguez. Ouais. Oui. Et bah, bon, en fait, moi. C'est un documentaire. Sugarman. Ah, d'accord, oui. Looking for Sugarman. Je ne l'ai pas vu. Alors, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est? Moi, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. Non, mais en plus, je ne l'ai pas vu du tout. Je vais te dire ce que c'est pour les gens qui ne l'ont pas vu. Mets l'eau à la bouche. C'est un film documentaire sur un homme qui a enregistré une chanson un jour, voilà. Patrick Hernandez. Et qui. Un album surtout. Un album, tout un album qui est incroyable. Et en fait, cet homme, l'album n'a pas marché, sauf que l'album a traversé la planète, s'est retrouvé de CD à enregistrer sur une cassette et est arrivé en Afrique du Sud. Et en Afrique du Sud, le gars était une superstar. C'est ouf. Et sauf qu'en fait, le gars est une superstar en Afrique du Sud, mais personne ne sait qui c'est, et lui ne sait pas qu'il est une superstar en Afrique du Sud. Aïe, aïe, aïe. Et le documentaire parle Internet. De ça. Et non, du coup, c'est un des seuls trucs que j'ai regardé. Et les gens en Afrique du Sud, ils disent, mais à l'époque, on avait trois disques, on avait les Beach Boys, Elvis Exactement. Et Rodriguez. Quoi. Putain, c'est vraiment le même niveau pour nous. Superstar vraiment, et en plus d'avoir été un acteur du changement aussi qu'il y a eu en Afrique du Sud, etc. Donc c'est assez... c'est ouf. Genre, ouais... Voilà. Merci. Et ça me fait penser, d'ailleurs, tu parles d'Afrique du Sud. J'ai découvert très tard le film District 9, que je vous conseille. Ouais. Super film de science-fiction, tourné en Afrique du Sud. J'allais dire avec pas beaucoup mais de sous. Mais il est vieux, non mais quand même... Ah ouais, c'est un vieux film. Ah, j'avais adoré, moi, celui-là. Ouais. Il est génial, ce très film. Très cool. District 9. L'homme du Picardie aussi. L'homme du Picardie. Gentleman Bronco, vous l'avez vu, celui-là ou pas? Sur une série de toi et Jérôme. Ah non, non, non, mais allez regarder. Si vous êtes un peu. Voilà, il faut pas être. Voilà, faut être un peu. Comparé à Breaking Bad, par exemple. Non, non, mais vraiment, Gentleman Bronco, c'est un film incroyable. Je te jure, il faut que vous alliez. Je ne peux rien vous dire de ce film, okay. Il faut juste aller le regarder. Gentleman Bronco, ok, Gentleman Bronco. On regardera. Voilà. Bon, écoutez, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce Floodcast. Alors, je fais un dernier tour. C'est mon troisième dernier, mais c'est pas grave. Douli, on peut te retrouver. Alors, tu joues quand même régulièrement dans des scènes ouvertes ouais. à Paris. Bah, y a le... Tu ça... testes encore ou, ah, ouais, ouais. Là, bah, là, j'ai écrit énormément pendant le confinement. Donc, il faut gros tester là. Mais du coup, on ne sait pas si c'est drôle encore. Donc, Mais pour le moment, ça marche pas mal, j'ai l'impression. Oui, oui, mais là, vraiment, pour le coup, j'ai beaucoup de matos à tester. Donc, vraiment, moins il y a de personnes, mieux c'est. C'est lesquelles les salles où tu vas le assez souvent on ah peut bah, conseiller alors, les... a, ouais, aller au Madame Sarfati qui est un super lieu au Barbès Comedy Club de Chorley qu'on a reçu ici voilà ouais, qui est génial. Vachement bien et il y a le Jardin Sauvage qui est super aussi très bel endroit le Jardin Sauvage aussi ouais c'est chouette ouais. T'as le Café Oscar aussi qui est sympa pour tester enfin il y a plein de comedy clubs qui sont chouettes donc et puis y a les petits comedy clubs je ne donnerai pas les noms puisque c'est là qu'on a envie de tester dans l'incognito bien sûr bien sûr bien sûr bien sûr et donc tu reviens et Inch'Allah en septembre Inch'Allah au point virgule ouais, voilà pour ça. Combien de temps ad vitam j'espère que mort s'en suive au final Bien sûr. Mort s'en suit, absolument. Bien sûr. Audrey ? J'ai zéro actu, alors bonne chance. Non, mais c'est vrai, faut le dire, quand il n'y a pas d'actu, il n'y a pas d'actu. Je suis d'accord, moi je dis Twitch, ça fait 5 épisodes que je dis Twitch. Donc... Non, mais tu vois, qu'est-ce que tu vas dire, mon pauvre ? Bah non, mais je dis rien, moi. Bah voilà, on j'ai passe lu... à Guillaume. Non, mais quand il n'y a pas d'actu, il n'y a pas d'actu. Non, mais c'était pas une question. Tout, mais tout a été annulé avec le. Bah ouais. Bah oui. Ouais. Bon, la vie, c'est ton actu. Ouais, la vie, ouais, la vache. Quelle est la vie, man. Tous les matins. Ouvre la porte de ton cœur. C'est vrai. Waouh, t'as tellement progressé. L'élève a dépassé le maître. Incroyable. Non, mais parce que moi, j'avais vu, dis-moi si on coupe au montage, mais que toutes les photos que tu avais fait pendant le confinement avec, rappelons son nom quand même, Valentin Curté. Valentin Curté, que vous aviez des envies de potentiellement démarcher des expos, des trucs, des machins, c'est toujours en projet. Oui, oui, ça en vrai, on va le faire. Voilà, quand même. Oui, oui, oui. Oui, c'est, pas, c'est pas de vraiment... la merde. Non, c'est vrai. Ah non, c'est un pas long métrage réalisé par Gondry. Non, non mais on ne sait pas encore quand est-ce qu'on va pouvoir le faire parce que j'ai envie que ça soit fait dans des conditions oui, bien, où on puisse vraiment être ensemble et où ça stresse personne et où c'est pas stressant globalement quoi. Et donc on va le faire parce que j'ai surtout très envie de le partager avec les gens. Les gens ont été tellement impliqués, ça a été un tel partage que c'est aussi une façon de les remercier. C'est peut-être pour ça que j'ai dit Florian tout à l'heure, parce que là je dis Fassion, tu vois. Donc c'est ça. Beaucoup de i dans le mot qui se. Elle adore les i. Garde-le, analyse-le en rentrant chez toi. Ouais, ouais, je vais m'en faire un truc. Et donc voilà, mais ça sera une expo, sauf si évidemment Beaubourg, le Louvre, ou qui nous écoute hein, d'ailleurs. Ou les plus grands. Sûr. Le MoMA va nous exposer ça évidemment ouais. Mais ouais on a très envie de le partager et on peut retrouver tout ça sur ton Instagram Audrey Pirot ouais. Voilà. Audrey.Pirot cela dit tu vois tout à l'heure la question philosophique de fierté moi j'ai été fière de ça tu peux. J'ai failli te demander je si dis. Ça mais ouais. Pas sur le fait mais le fait de l'avoir fait d'avoir osé un peu chaque jour fait qu'au final en fait tu t'en rends pas compte mais à la fin tu peux être fière de toi ce qui est plutôt une belle leçon de vie je trouve bah, on se la bouffe dans la gueule tout bonnement Guillaume bah écoute il y a du podcast Guillaume podcast, la musique dans la peau ça va reprendre dans la peau ouais on va reprendre bientôt là et toujours We Love TFTC aussi évidemment évidemment dans lequel nous avons participé avec Adrien au premier numéro en effet vous avez participé aux deux d'ailleurs la musique dans la peau et mais oui, c'est vrai. Et ouais, bah écoute, voilà. On soutient les frérots. Exactement. Voilà. Et on va personne nous invite. C'est ce que j'allais dire exactement. Personne nous invite donc. Personne ne nous invite donc. Et quelques tournages de rap jeu qui restent, quelques bêtises sur Insta, voilà, des trucs comme ça quoi. Ouais, rap jeu d'ailleurs qui sera invité la semaine prochaine dans le Floodcast de la semaine prochaine. Oui. Voilà, je vous le dis. Voilà, c'est préparé en avance maintenant ces émissions. Je vous dis. Voilà, on a des numéros d'avance. Bon, très cool. Et évidemment sur Instagram toujours. Alors, il y a combien de Guy et combien de Pop ? Guy Pop. Trois fois Guy. Parce que Guy Pop, c'était déjà pris. Et Guy Pop, le jeu de mots. Ah bah moi, pareil, Douli, tu vois, j'étais Douli, j'étais obligée. Non, Guy, toi, t'as doublé Douli. Moi, j'ai doublé Douli parce qu'il y a un mec au fin fond de l'Indonésie qui s'appelle Douli, il a 62 abonnés, il me nique le business. Ouais. Il faudrait que je lui écrive. J'ai eu ça longtemps avec Florent Bernard, moi aussi. Et du coup, sur Instagram, je sais FL0 Rand Bernard. Horrible. Voilà, nul. Complètement nul. Mais bon, qu'est-ce que je te dis ? Et Adrien Méniel ? Bah y a rien. je vais pas dire Twitch encore. Non mais dis que tu fais une expo avec les photos de confinement ou à la fenêtre de ton cœur. Mais non. Mais si. Non mais oui, il y a Twitch, il y a Twitch. Il y a rien. Il y a pas rien. Arrête là. Il y a la fenêtre de ton cœur. Il y a Groom sur YouTube. Oui, mais oui, puis Derby Girl, ça on le savoir, c'est je dis la même chose depuis 4 épisodes. Okay, comment tu veux que je termine ces émissions? Tu veux que j'arrête de te demander? Dis ton actu toi, tu vas dire la flamme, ça on sait, on finit par le savoir. C'est vrai qu'on finit par le savoir, mais tu sais, moi je crois beaucoup en la répétition pour aller dans le cerveau des gens et se faire une petite place. Regardez Groom là, au lieu de faire chier, putain. C'est vrai. Je touche des droits d'auteur, moi. Vous regardez pas assez Groom, hein. Franchement, ouais, on a. Eh, super tes stories, mais je touche pas d'oseille sur mes stories. Alors, les droits d'auteur, ouais, regardez Groom. Voilà. Vous regardez l'épisode 1, vous regardez l'épisode 6 et vous regardez l'épisode 10. Ah oui, parce que les autres, bah les couilles, tu les as pas écrit. Bah, c'est ça. Ouais, ouais. Vous les mettez en fond. Pour les copains, mais voilà. Je veux de la thune, putain. J'en ai ras le cul, je veux acheter une maison. Voilà. Et puis, on te retrouve aux grandes gueules à la rentrée aussi. Mais pourquoi tu lances pas un litchi? Bon, alors ça y a un déjà, gros débat. Hein. Moi, j'ai un Tipeee stream. Non, mais... Il a un Tipeee stream. Non mais un litchi pour ma maison, tu veux dire? Non mais ça va pas. Mais... Bah quoi? Non, mais pourquoi après, pas braquer une banque aussi? Bah, là en fait tu les menaces, c'est hyper menaçant de regarder non, les épisodes. Non mais on appellera ça Floodcast et puis ce sera pour ta baraque. Voilà, c'est ça. Sachez que si on lance un jour à Patreon, c'est pour la maison d'Adrien. Les cagnottes litchi, c'est gênant parce qu'en fait moi je me dis toujours, est-ce que tu le ferais vraiment devant des potes au resto à dire les gars, faut financer ma maison? Il y a un côté lâche quand même. Alors, j'aurais faire ça derrière. Ça fait moi il y a pire. Moi, pardon, vas-y. Pardon. Moi c'est le truc que je déteste, c'est sur Facebook. Les gens qui... Alors, que je déteste, c'est un mot. C'est violent. J'exagère. C'est violent. Oui. En plus, t'es pas du genre... Pour mon anniversaire, je récolte des dons pour une asso. Et oui, mais on ne sait pas si c'est vrai. Non, mais moi, c'est pas ça. C'est genre, mais je te connais pas, en fait, j'allais rien t'offrir. Donc, maintenant, je culpabilise de ne pas donner une asso, alors que j'aurais dépensé zéro pour ton anniv à la base. Et moi, souvent, je dépense dans les anifs parce que tu m'invites à une soirée. Là, comme ça, j'ai la thune. Quand bien même, c'est pour une asso. C'est ça. Zéro cadeau à quelqu'un qui fait juste un statut Facebook. Et puis peu d'originalité, hein, souvent. C'est genre voilà, il y a cet assaut. Oui, je pars faire un tour du monde au Mexique. C'est pour une ONG. Oui, bien sûr. Bouffer des champignons, de la mescale. Bon, en tout cas, merci beaucoup merci. À toutes et à tous. C'était merci. Très chouette. Ouais, très drôle. Et je vous dis eh bien, à la semaine prochaine. Salut tout le monde. Ah, ciao. Bye. Salut. Il s'agissait du flow de cast. Pardon.